کجای پتی افن؟ Et pourquoi qu'ils sont pas là, les petits enfants? Vaste question que posait le Grand Magic Circus. Et si vous écoutez pourquoi les petits enfants sont pas là, on va tout vous expliquer. Pour l'instant, juste vous rappeler qu'on est le 12 janvier 2023, qu'il est 21h sur Radio Radio. Si vous nous écoutez sur Bram FM, il est 22h30 et on est un vendredi, je sais pas lequel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous écoutez vraiment autre chose. Alors pourquoi qu'ils sont pas là les petits enfants? Ben les petits enfants ils sont pas là parce qu'il est 21h et que y a l'école le lendemain. Donc les petits enfants ils doivent aller se coucher. D'ailleurs je passe un message personnel à Noé et à Anatole pour dire que si vous m'entendez là les grands, c'est l'heure d'aller faire dodo. Si ça vous ennuie pas trop. Et si vous n'arrivez pas à faire dodo, je comprends, c'est un petit peu dur, le rythme scolaire, tout ça. En plus, il y a de la super musique qui va venir. Et ben peut-être qu'on peut vous aider en vous racontant une petite histoire. Il était une fois, dans un pays lointain, trois magiciens qui s'appelaient Nurse, Wiz et Wound. Et ces trois magiciens avaient créé une musique si compliquée mais si simple, si bizarre mais si belle que dans le monde entier, les gens voulaient connaître leur recette. Et leur recette, ces trois magiciens qui étaient tellement gentils, cette recette, ils l'avaient indiquée dans leur premier grimoire. Cette recette, c'était 292 éléments, 292 ingrédients musicaux qui mélangés donnaient cette musique si belle et si évidente. 45 ans plus tard, des exploratoristes de radio qui s'appelaient Stéphane, Guénolé, Nico, Tony, Manu ou Inès, décidèrent de partir à l'aventure pour rassembler les 292 éléments. Ils étaient rangés par ordre alphabétique et chaque lettre était comme une nouvelle montagne à gravir. Et leur aventure s'appelait « Au pied de la lettre ». Et pour cet épisode 25 d'Au pied de la lettre, on retrouve Manu et Stéphane en plein milieu de la montagne K qui rencontrent un vieil ami étrange, d'ordinaire affublé d'un t-shirt avec un roi cramoisi. C'est alors qu'ils comprirent que le plus important, ce n'était pas tellement la destination, mais c'était le voyage. Sauf le 23 avril. Et voilà, ils dorment les petits enfants, on peut y aller, c'est parti pour les aventures extraordinaires de la Nurse Wiz Wound List. Nous sommes là vraiment autre chose, la 199e édition, et ouais. Et pour cette exploration numéro 25 de la Nurse Wiz Wound List, donc on va reprendre la dernière fois, c'était Kraftwerk, on avait attaqué la lettre K avec l'ami Nico. Tout ça, vous pouvez l'entendre dans les Mixcloud de vraiment autre chose, ou vous pouvez l'entendre dans les Mixcloud de Radio Radio, vous pouvez l'écouter comme vous êtes en train de l'écouter maintenant. Toujours est-il que pour cet épisode 25, j'ai la joie d'être en studio avec l'ami Stéphane. Bonsoir Steph. Bonsoir Manu. Hyper content. Et le fameux ami d'ordinaire affublé d'un t-shirt au roi cramoisi, mais pas là aujourd'hui, c'est Alec. Hyper content de te recevoir, Alec. Bonjour. Oui, bonjour. Bien content d'être là également. Salut, Alec. Eh bien, je vais continuer un peu sur mon intro long comme la terre. Et après, promis, on va parler beaucoup de musique, puisque ce soir, on va continuer à explorer la lettre K. Toi, tu es là pour nous présenter en long, en large et en travers King Crimson, le fameux roi cramoisi. Stéphane va nous parler de Comintern. Oui, c'est pas l'organisation l'internationale communiste pour les jeunes, hein, c'est le groupe. J'en parlerai en travers plutôt qu'en long et en large. Très bien. Et moi, de temps en temps, je vous évoquerai Frank Colgas, je vous évoquerai Basil Kirchin et je vous évoquerai aussi le collectif Rot Rub. Voilà ce qui nous attend pour l'exploration de la lettre K de la Nurse Wiz Wound List. Mais d'abord, avant de te laisser la parole, Alec, je voulais juste dire, parce que ça, c'est quand même assez fou, nous sommes le jeudi 12 janvier. Eh bien, figure-toi que nous avons fait connaissance l'un et l'autre un 12 janvier, il y a 12 ans, jour pour jour. Oh là, incroyable. Comment tu fais pour te souvenir de ça? Eh ben, j'ai fouillé mes mails et en fait, j'ai vu notre premier échange sur Progressia, qui est un forum de fans de rock progressif, notamment, qui n'existe plus maintenant. Et j'ai vu que le premier message perso que j'avais reçu, c'était un message de ta part. C'était le 12 janvier 2011, il y a 12 ans, jour pour jour. C'est quand même assez extra. Ah là là là là, incroyable, ouais. Super content de te recevoir. Tu as été un de nos premiers auditeurs. Ma culture Rio, je te la dois. justement dans ce forum-là. Tu présentais des albums et tu présentais ces albums-là, juste avec 3-4 smileys, une petite présentation, rien de très technique ni quoi que ce soit. Et ce qui m'a donné vachement envie d'explorer, c'est grâce à toi que j'ai eu cette verve de l'exploration musicale et aussi cette volonté de la présenter simplement, juste avec le sourire, de dire ce qu'on ressent et pas de rentrer dans des grands détails techniques de musicologie que je n'ai pas. Bref, cette émission, elle n'existerait probablement pas sans toi. Je te dis même pas comment je suis trop content que tu sois là. Merci. Ah non, mais super. Merci beaucoup de ce petit compliment. Et j'ai le souvenir, ça me revient de suite, que je t'avais mis en contact avec Paul-Yves Bourrand pour une émission de radio sur le Rock in Opposition. Et peut-être que ces histoires de mail, ça part un peu de là. Hein. Non, notre premier contact, c'est parce qu'on voulait passer un album. Et le même jour, j'ai fait la connaissance. Toi, tu t'appelais Fripp. Ouais. Il y avait Petit Fripon aussi. Ouais. Pareil, le même jour, j'ai vu qu'on avait échangé. Voilà, Nicolas. Ouais. Son anniversaire aujourd'hui. Eh ben, bon anniversaire, Nicolas, que nos auditeurs connaissent sous le nom de L'Œillère. Voilà, on a souvent diffusé sa musique. Voilà, donc en gros, c'est un peu la famille réunie, c'est trop bien. Mais voilà. Et je te laisse la parole, puisque c'est toi qui vas nous parler maintenant de King Crimson. Ok, donc c'est moi qui inaugure cette partie des cas. King Crimson, ben oui, visiblement, ils ont été influencés par ce groupe. Mais pour être honnête, toutes les personnes qui ont fait énormément de musique dans ces années-là... ont forcément plus ou moins été influencés par la bande à Fripp, par tout ce climat qu'ils ont créé autour de la musique qui n'était pas encore forcément dite progressive. Fripp a souvent renié cette appellation d'ailleurs, hein, de rock progressif pour ce qu'il concerne. Mais donc c'est vrai que c'est un groupe emblématique. On va faire un petit peu d'histoire pour commencer. Hein, je préviens tout de suite, je ne suis absolument pas un homme de radio, donc je vais me débrouiller comme je peux. King Crimson a débuté par un pré-groupe en 1967. Il y avait les frères Giles, Peter Giles, un bassiste, Michael Giles, un batteur, dans la région de Bournemouth, la même ville que Robert Fripp, qui étaient des musiciens depuis déjà pas mal d'années, hein, 5-6 ans, on va dire, des semi-professionnels, des musiciens qui faisaient du bal, qui ont joué dans des petits groupes qui n'ont pas percé, hein, mais qui étaient d'excellents techniciens, chacun dans leur domaine, qui s'essayaient à chanter, ils avaient un petit peu de mal, mais ils chantaient aussi. Ils ont enregistré quelques morceaux, tout ce qu'il y a de plus honnête, mais bon, rien de bien extraordinaire. Il faut dire que la scène musicale à l'époque était très dense. Il y avait des petits groupes partout, dans n'importe quelle petite ville anglaise. Ça jouait énormément. Donc ils n'ont pas percé et ils sont arrivés à un point où ils se sont dit « il faut absolument qu'on engage un chanteur et en plus un clavier, ce serait bien ». Voilà, donc, ça ferait basse, batterie, clavier, chant. Là, un groupe aurait de la consistance. Et donc, ils ont passé une annonce dans le petit journal local. Et ils en ont auditionné quelques-uns et personne ne satisfaisait. Et Robert Fripp est arrivé. Robert Fripp, qui était un jeune guitariste amateur jusqu'à présent, et qui s'est présenté pour le poste d'organiste-chanteur en disant « je ne chante pas et je ne joue que de la guitare ». Donc ils étaient un peu décontenancés. Évidemment, ils lui ont fait passer l'audition, donc Fripp a joué. Et là, ils ont dit « ah ouais, ok, ben on change notre fusil d'épaule, on prend un guitariste qui ne chante pas et tu intègres le groupe ». Et donc c'est là qu'a été formé des pré-moutures de King Crimson qui s'appellent Giles and Fripp, qui va faire quelques petits contrats à droite à gauche, ils vont jouer un petit peu, et puis ils vont commencer à composer, ils vont commencer à enregistrer. Il y a un album qui est devenu culte maintenant, culte avec un K, hein. Cheerful Insanity of Giles and Fripp, qui était une espèce de disque extrêmement parodique, qui est, je dirais, délicieux pour ses mélodies un peu surannées, un peu vieillottes, mais avec des arrangements assez réussis, et puis une ambiance de franche rigolade du début jusqu'à la fin, quoi. C'est un disque, chaque fois que j'écoute, j'ai toujours le sourire du début jusqu'à la fin, tellement je le trouve assez drôle et énormément teinté d'humour. Donc, ce disque, évidemment, n'a aucun succès. Je crois qu'ils en ont vendu 400 à l'époque. Donc on est en 1967 là, hein, et il décide de passer une fois de plus à la vitesse supérieure. D'abord, ils montent à Londres. Ils ont quitté donc la ville de Bournemouth. Ils montent à Londres, ils louent une maison au Boundary Street, en 1993. Et le même principe que précédemment, ils passent une petite annonce en disant qu'ils veulent un chanteur ou une chanteuse, que c'est devenu nécessaire pour eux pour passer à la vitesse supérieure. Et à cette annonce répond une chanteuse, qui s'appelle Judy Dybel, qui vient se présenter, qui auditionne, qui visiblement ça plaît, en tout cas, à ses interprétations. Et elle amène avec elle son petit ami de l'époque, qui s'appelle Ian MacDonald, qui est un multi-instrumentiste, principalement quand même les instruments avant, mais enfin il touche un peu à tout, qui vient de quitter l'armée, où il a fait pendant 5 ans partie de la fanfare militaire. Donc il a fait ses classes, on peut le dire, à l'armée. Et du coup, lui aussi auditionne, et lui aussi est retenu. Et là, donc, on est en 1968, à l'été 1968, et cet été va être une densité absolument incroyable, parce qu'ils vont se mettre à composer, parce que Ian MacDonald aussi était compositeur, énormément, et a enregistré quelques démos sur la table de la cuisine. Ils avaient la chance que Peter Giles, qui outre était un grand bassiste, était aussi un très fin bricoleur. Et il a réussi à leur bricoler un petit studio d'enregistrement avec des magnétos à bande et à faire quelque chose qui sonne quasiment comme le son d'un studio de l'époque. Donc on va pouvoir peut-être écouter le premier morceau qui s'appelle « I Talk to the Wind », morceau qu'on retrouvera par la suite dans le premier album, 6 mois plus tard, de King Crimson. Mais là, c'est une des premières ébauches avec Judy Dybel au chant et Ian MacDonald aux flûtes. We'll be right back. Voilà, donc I Talk to the Wind, chanté par Judy Dybel, enregistré sur la table de la cuisine du 93 Boundary Street. Je trouve quand même qu'au niveau du son, il se débrouillait vraiment bien, Peter Giles, comme ingénieur du son. Vraiment, oui. C'est assez impressionnant. Bon, après, j'imagine qu'il y a du nettoyage sur ces versions récentes, mais enfin, quand même. Malheureusement, Judy Dybel va jeter l'éponge au bout de 2 mois. Donc, au début de l'automne 68, elle décide de partir. Elle s'est séparée aussi de Ian McDonald. J'imagine que les deux événements sont forcément un petit peu liés. Le groupe se retrouve sous forme de quatuor, sans chanteuse. Parce que Ian McDonald, même s'il chantait pas trop mal, c'était quand même pas un grand chanteur de groupe de rock. Donc, une nouvelle petite impasse. Ça continue quand même à travailler un peu. Et au bout d'un certain moment, Fripp pense à un ancien copain d'école, Greg Lake, qui a la particularité d'être à la fois bassiste et chanteur. Pourquoi aussi bassiste ? Parce que Peter Giles, lui, décide aussi de jeter l'éponge au bout de quelques semaines. Non pas que ça ne l'intéressait pas la poursuite de l'aventure musicale, mais parce qu'il avait une famille, parce qu'il fallait qu'il travaille, et il avait du mal à concilier les deux. Et il a préféré se mettre en retrait et donc laisser sa place de bassiste à Greg Lake, qui va arriver en décembre. Et Greg Lake donc, a l'avantage en plus d'avoir une voix absolument incroyable. Ça va devenir une des voix emblématiques du mouvement progressif. D'abord dans King Crimson et ensuite évidemment dans Emerson, Lake & Palmer. Donc, début janvier 69, première répétition d'un nouveau groupe qui n'a pas encore de nom à ce moment-là. Qui comprend donc Michael Giles à la batterie, Robert Fripp à la guitare, Ian McDonald aux instruments avant, etc. Greg Lake à la basse et au chant, et un ami de longue date de Ian McDonald, qui s'appelle Peter Sinfield, qui lui ne joue d'aucun instrument, mais qui va devenir le parolier, parce qu'il est poète dans l'âme, et il va être crédité d'ailleurs sous la forme de « Words and Illumination ». Illumination parce que c'était aussi un bel illuminé à mon avis et qui avait des idées au niveau de la scène, au niveau du son, au niveau du concept, et c'est lui qui va trouver le nom de King Crimson. Et les premières répétitions donc auront lieu début janvier, le 13 janvier si mes souvenirs sont bons, dans un sous-sol de café. Endroit qui va rester très longtemps l'endroit de répétition emblématique de King Crimson. Voilà. Donc, les nouveaux premiers morceaux vont apparaître. Ça va rester assez secret pendant assez longtemps. Et les premiers concerts vont arriver. Les premiers enregistrements à la BBC. On a quelques enregistrements du printemps 69 à la BBC. Et le bouche à oreille va faire que tout d'un coup, tout le monde réalise qu'il se passe quelque chose dans la scène musicale londonienne. Il y a un groupe qui fait une musique qu'on n'a jamais plus ou moins entendue. J'ai oublié de préciser que Crimson a emprunté de l'argent pour s'acheter un appareil qui s'appelle le Mellotron. Mellotron que utilisait Procolar Room, les Moody Blues, mais de manière très anecdotique. Alors que là, Crimson va l'employer à fond. Pour donner une espèce de puissance sonore absolument incroyable à beaucoup de ces morceaux, en tout cas. Et donc, il y avait un son nouveau. Qui va jouer du Mellotron ? Alors, au début, c'est Ian McDonald. D'accord. Voilà. Et Fripp va s'y intéresser aussi, et par la suite deviendra quasiment le joueur principal de Mellotron. Quand il ne joue pas de la guitare, il jouera du Mellotron. Voilà. Okay. En tout cas sur scène. Mais autrement, c'est Ian McDonald qui s'est vraiment intéressé à cet instrument. Donc le Mellotron, je n'ai pas expliqué ce que c'était, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un clavier. Un clavier avec des bandes magnétiques, préenregistrées, donc, où on peut avoir des sons de cuivre, on peut avoir des sons de violon, des sons de saxophone, des chœurs. Voilà. Et donc si on fait un accord au Mellotron, c'est comme si on avait 50 personnes qui chantent en même temps et qui vous font des chœurs derrière, quoi. Donc avec simplement quelques touches, il arrive à avoir quasiment tout un orchestre derrière lui. Donc c'est un instrument qui n'a pas eu énormément de succès. Mais qui est devenu quand même assez emblématique également de toute cette scène prog de l'époque, parce que ça donnait une couleur vraiment très particulière. Donc les concerts se suivent de manière de toute façon assez confidentielle au début, et puis petit à petit le bouche à oreille fait que. Et ils vont avoir une chance absolument incroyable en juillet 69, avec le concert à Hyde Park, hommage à Brian Jones des Rolling Stones. Concert qui va être filmé. Et ils font venir quelques groupes en première partie, histoire de chauffer un peu l'ambiance. Il y a quand même 500 000 personnes à Hyde Park ce jour-là. Hein. Peut-être même plus, mais en tout cas, les 500 000, c'est sûr, ils y étaient. Et comme King Crimson est un petit peu l'étoile montante de la scène landolienne, ils font venir King Crimson jouer devant 500 000 personnes à Hyde Park en première partie des Rolling Stones. Ils n'ont que 40 minutes devant eux et ils vont tout donner en 40 minutes, un concert absolument incroyable. Donc des titres assez ramassés de ce qu'ils faisaient d'habitude, plus courts, mais avec une puissance phénoménale. Et ils vont marquer les esprits à tel point qu'ils vont obtenir une résidence au Marquis tous les dimanches soirs pendant des mois. Ils vont intéresser des producteurs de disques. Dès la semaine suivante, ils vont commencer à enregistrer ce qui va devenir leur premier album, In the Court of a Crimson King. Ils vont être invités à plein de festivals en Angleterre, bien entendu. Ils vont être invités à des festivals, à faire une tournée aux États-Unis. Et puis à partir de là, ça va devenir un truc absolument incroyable, quoi. Le disque va sortir en octobre de cette année-là. Disque très important pour plusieurs raisons. C'est une des premières fois qu'il n'y a pas de nom de groupe sur la pochette du disque. C'est uniquement l'image de Barry Goodburn, un peintre. Qui a fait cette image du roi cramoisi, quoi, hein, qui peut être un petit peu effrayante, c'est vrai, qui n'est pas spécialement une image flatteuse, mais il y a une espèce de cri dans cette image qui reflète bien le premier morceau qui s'appelle 21st Century Skagen Man, qui est un pamphlet anti-guerre du Vietnam. Et qui est dans l'esprit du temps à l'époque, hein, il y avait beaucoup de chansons qui reprenaient ce thème-là, forcément. Et donc ce disque, sans aucun nom sur la pochette, sans aucune autre mention que ça, il faut l'ouvrir pour savoir de quoi il s'agit, tout le monde va le connaître. Même ceux qui ne l'écoutaient pas connaissaient la pochette de disque. Et ça va avoir un effet promotionnel absolument incroyable. Et en plus, à l'intérieur du disque, tout est phénoménal. Le premier morceau, bon, c'est un 21st, c'est un espèce de rouleau compresseur. Où toutes les qualités des instrumentistes sont mises en avant. Il y a des breaks de folie où tout le monde joue à l'unisson, des trucs absolument incroyables. Il y a la voix déformée de Greg Lake dans un système comment ça s'appelle ? Mince. Ça déforme la voix, quoi. Voilà. L'écho, voilà. Et après, il y a des petites ballades, c'est la Echo to the Wind, qu'on vient d'écouter à l'instant, version plus lente, et puis chantée magnifiquement par Greg Lake. Il y a Moonchild, très jolie ballade également, longue improvisation, un petit peu éthérée par la suite, et puis deux morceaux emblématiques, Epitaph et In the Court of a Crimson King, où là, le mélotron plante toute sa splendeur. Les arpèges et la guitare sèche de Robert Fripp sont absolument sublimes, et toutes les parties flûte, saxophone de Ian MacDonald sont inspirées et particulièrement réussies. Donc c'est un album qui n'a quasiment pas de faute. C'est pas l'album parfait, mais vraiment pas loin. Et ça va donner une notoriété absolument grandissante à King Crimson. À ce stade du récit, je voudrais juste préciser pour les gens qui écoutent d'habitude les aventures d'Au pied de la lettre qu'on a fait un parti pris très particulier ce soir sur King Crimson. C'est qu'on a beaucoup diffusé de titres de King Crimson dans les émissions précédentes de Vraiment Autre Chose, qui ne parlaient pas de la Nurse with Wound List, et il y en a plein. Et donc, on a décidé de déroger à la règle qu'on s'était fixée sur cette Nurse with Wound List, qui consistait à écouter des titres d'albums, de partir du principe que Steve Stapleton avait acheté un album, avait découvert le groupe comme ça, et qu'on allait faire la même exploration que lui. Là, justement, pour écouter autre chose que les albums, album qu'on a écouté 100 fois, donc tout ce que vient de décrire Alec, on va pas l'entendre là maintenant. Du coup, ben, ces albums-là, vous les trouvez très facilement, donc jetez-vous dessus, effectivement, ils sont immanquables. Si vous les connaissez pas, ben, vous avez du bol, ça doit être trop bien de découvrir King Crimson, ça doit être juste mortel. J'aimerais trop oublier King Crimson pour les redécouvrir. En tout cas, on est parti du parti pris que Steve Stapleton et John Fogerty Hill avaient découvert King Crimson en live, et ce soir, on ne va écouter que du live de King Crimson, donc on va pas écouter les albums, même si tu vas nous raconter l'histoire des albums. Voilà, fin de la parenthèse, je te laisse la parole. Ben justement, c'est un bon tremplin pour annoncer la suite. Donc King Crimson s'en va aux États-Unis pour une tournée qui va durer 2 mois et demi, 3 mois quasiment. Ouais. Donc pas mal de dates, festival, Palm Beach, gros succès. Et il se retrouve en Californie, au Fillmore West, fin décembre. Mi-décembre, le 13 décembre, 13 et 14 décembre exactement, et ce qu'on va écouter maintenant est une composition de Robert Fripp qui s'appelle Mantra, suivie d'une autre composition, mais là de Ian MacDonald, qui s'appelle Trewy Wherry Capricorn, qui était toujours joué ensemble. Hein, et à la suite de Trewy Wherry, il y aura une improvisation. Tout ça pour démontrer qu'il y a un grand fossé entre ce que Crimson a montré en studio et ce que Crimson montrait en live à l'époque. Il y avait une influence jazz absolument évidente, ça c'est Ian MacDonald principalement, hein, et qui ressort là plus ou moins à chaque... À part le premier morceau, Mantra, qui est typique Fripp, qu'on retrouvera d'ailleurs ce mantra dans le morceau Exile 2 ou 3 ans plus tard. Mais Trewy Wherry Capricorn, par exemple, c'est du pur jazz, free jazz, plus ou moins de l'époque, hein, et l'improvisation également. Voilà, on peut y aller, Manu. capitaine move on to another dawn. Travel weary, tired and torn, you will be reborn. Capricorn dawn. Effectivement, c'est très jazz. C'est dingue, j'avais jamais entendu ça. Déjà des lives de King Crimson de cette époque. Et puis alors le côté jazz, effectivement, il est presque dans du bebop, parfois des accents à la Miles Davis, limite Sketches of Spain, des accents de Roland Kirk à la flûte. C'est plutôt bien. Ouais, super. Et on continue cette soirée n'est pas entièrement consacrée à King Crimson, c'est l'exploration radiophonique de la Nurse With Wound List, on en est à la lettre K. Et Stéphane, maintenant tu vas nous parler d'un autre groupe de Comintern. Du groupe Comintern, effectivement. Comme je vous ai dit, on va faire en travers, comme ça, en traversal. Ils n'ont sorti qu'un seul album en 1971 qui s'appelle le Bal du Roi Mort. Du roi ou du rat ? Du rat mort. Du rat, j'ai écrit. C'est à cause de King Crimson. D'accord, il y a de l'anecdote. Ce groupe est né de la scission. Ce groupe est né de la rencontre avec d'anciens musiciens de Red Noise, le groupe de Patrick Vian, que j'avais chroniqué, je ne sais plus, à la 20e émission, qui avait fait un album qui s'appelle Sarcelle Locher. Assez froid, un rock jazz assez froid, et on retrouve un petit peu ça dans Comintern, le côté blague et loufoquerie en plus, si je puis dire. C'est un groupe qui se compose, allez, je vous fais du name dropping, on balance les musiciens là. Attendez que je cherche bien mes fiches numériques. J'en profite pour préciser que Red Noise, on en parlera plus tard, ils sont dans la Nurse With Wound List. Exact. Donc les musiciens, c'est parti, un petit peu de name dropping. Olivier Zdarzlik est au chant, à la basse et au clavier, Michel Musac à la guitare, Pascal Chassin à la guitare, les musiciens donc de Red Noise, Serge Catalano le batteur et Francis Lemonnier au saxophone, et un violoniste du nom de Richard Aubert. Que dire, à la basse c'est un collectif. Comintern, c'est pas vraiment un groupe de musique qui va faire un groupe, quoi. Ils ont plutôt envie de mêler un peu comme ce qui se fait aux États-Unis avec le living théâtre et les inspirations anarchistes et libertaires, de mêler théâtre, musique, poésie, etc. Et c'est donc le nom, vous le comprenez bien, un groupe très proche des mouvements libertaires et d'extrême gauche de l'époque. Sans plus tarder, on va écouter un petit morceau avant que je vous lance une petite anecdote sympathique incluant le parolier de Julien Clerc, Étienne Roll à Gilles. Et on va écouter donc, je vous parlais de loufoquerie, effectivement, vous allez l'entendre avec l'hommage au maire de Tours. Je ne sais pas ce qu'il leur a fait, mais à mon avis, c'est pas sympa. Amen. Allez, voilà, donc un hommage à Jean Royer, le maire de Tours, conservateur pompidolien et gaulliste de 1959 à 1995, on a vérifié. Il ne devait pas être sympathique celui-là. Bon, on dit ça parce qu'on est un peu de gauche, hein, faut pas mentir. Bon, j'ai des souvenirs de lui petit, le voir passer à la télé, effectivement il faisait un peu peur. Ah, puis il faisait l'unanimité contre lui, Jean Royer. Il y avait des manifs, des happenings dans les meetings de Jean Royer. Il y a des meufs qui se pointaient, des féministes, montraient leurs seins nus pour choquer un peu la foule. C'était, à toute proportion gardée, mais c'était un petit peu le Zemmour de l'époque. En tout cas, c'était vraiment le gars bien conservateur, bien radical, et auquel les gens d'extrême gauche aimaient souvent s'attaquer à raison. Eh ben voilà. Effectivement, ils ont bien fait. Je vous parlais d'une petite anecdote avec Étienne Rodagil, qui a donc parolier célèbre de Johnny et Julien Clerc, entre autres. Des musiciens de Comintern, d'ailleurs, dans les années 80, se lanceront dans une forme de variété. Il faut bien quand même vivre de sa musique à un moment quand ça marche pas. Et donc, ils essaieront, mais je crois pas que ça ait très marché. Je vais vous lire un petit extrait du super underground musical en France d'Éric Day et Dominique Grimaud, que tu m'as passé, parce que pour avoir des informations sur Comintern, c'est ce qui se fait de mieux, hein, les pages Wikipédia ou le site neosphere.free, Rock Made in France proposent à peu près les mêmes informations. Donc, que dire sur ce Étienne Rodagil, accompagné de Philippe Constantin, qui se rend dans les studios Pathé Marconi pour commercialiser une certaine forme de gauchisme. Donc vraiment, il y a dans l'idée de... On a un groupe très contestataire, limite séditieux, qu'il va falloir présenter à la population française pour entamer cette révolution que tout le monde attend depuis mai 68. Donc, évidemment, ça ne se passe pas. Comme prévu, passé le moment de l'enregistrement, les choses se gâtent. Le producteur retire du disque plusieurs textes, notamment une déclamation sans accompagnement musical, s'en prenant violemment au travail et à la marchandise. Il remplace la pochette initialement prévue par une œuvre du peintre mexicain Diego Rivera. Effectivement, qu'est-ce que ça fait là ? Représentant en son centre une Katrina, un squelette de femme vêtue d'apparat bourgeois. Ce premier et unique album de Comintern, Le Bal du Ramor, sort en décembre 1971, sans que le groupe puisse s'y reconnaître totalement. Bien que remarqué par la critique, les ventes restent modestes. Et le groupe continuera par la suite à essayer de tourner, mais ne sortira plus de disques. Il travaillera avec Fernando sur une pièce de Fernando Arrabal. Voilà un autre situationniste. Je ne pense pas qu'il soit situationniste au sens propre, mais Arrabal, Jodorowsky, toute cette terme un peu surréaliste, on va dire. Et donc, participe au front de libération de la rock music et continue, on va dire, d'essayer de choquer le bourgeois avec cette musique et ses ambiances gauchistes. Le groupe ne survit pas aux différents changements de line-up. Et en 1974, met définitivement la clé sous la porte. On va s'écouter Fou Roi Pantin, qui, contrairement au titre précédent, montre un peu plus la musique de Comintern, qui, vous l'aurez compris, tourne un petit peu autour du free jazz et du rock, sans parler du rock, évidemment, hendrixien ou des grosses productions. Ça n'est pas à proprement parler donc du jazz rock, mais la rencontre effectivement entre les musiques improvisées et ce qui plus tard pourra donner, on va dire, c'est du pré-Rio, les musiques un peu entre l'impro rock, l'impro jazz, l'expérimental. On pourra peut-être voir Enrico dans les successeurs. Il n'est pas étonnant de voir Nurse with Wound List citer ses musiciens. En avant pour Fou Roi Pantin. Tout en rose, féroce comme Zeus et doux comme un papa. Une guêpe rouge qui le pique. Les grands vents qui passaient dans les hauts arbres ont tourné. Une bourrasque lui fait avaler sa chic. C'est fait l'été pour moi, pantin ventriloque. Qu'est-ce que ça peut faire à la putain? Vos corps, vos poisons et vos loques. Elle se secouera de vous, Arbiol. Il se sent éreinté. C'est fait l'été pour moi, quand un ventriloque. Mais qu'est-ce que ça peut faire à la putain de Paris? Vos âmes et vos corps, vos poisons et vos loques. Elle se secouera de vous, hargneux. Battra l'armée contre les dirigeants tremblants cachés dans le noir. Quand en prison nous les aurons toutes brûlées, quant au pouvoir, mais chacun sera son propre pouvoir. C'est vérité. Faire à la putain Paris. Voilà, c'était donc Fou, Roi, Pantin. Je pense qu'on retrouve effectivement l'esprit cabaret, l'esprit foutraque, mélanger un peu les déclamations, la musique de cirque, toutes les tendances qu'on pouvait avoir. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu un groupe qui se cherche, mais qui... Bah, c'est dommage, ils n'enchaînent pas, mais qui quand même a des bases sérieuses assez solides. On les a parfois comparés à Magma pour, je pense, l'emploi des cuivres. Et Magma, évidemment, je pense au premier album, Kobaya. Ce n'est pas vraiment le même esprit. Hein. On est quand même dans un truc très à gauche, là. Non, pas que Magma soit très à droite à l'époque, mais... Ceci ne nous regarde pas. Ceci ne nous regarde pas. Mais voilà, on est quand même dans une légèreté... dans une légèreté pour dénoncer plutôt que dans la gravité sombre de Magma. Voilà. On va recommencer avec King Crimson. Oui, avec plaisir. C'est quand même autre chose. Pour revenir un petit peu sur Comité, moi j'ai beaucoup aimé tout le dernier passage. Hein. Le côté effectivement un peu cabaret burlesque, là, musique de cirque. Enfin bon, j'ai trouvé ça très très réussi. Ouais, c'est un morceau que j'ai. Bon, il y a 6 titres, je crois, sur l'album. C'est celui qui le clôt. Je crois qu'ils en ont fait un single, si je ne m'abuse, enfin, entre guillemets, hein, single, qui est assez représentatif et qui est pour moi le meilleur morceau de l'album. À noter, tiens, qu'ils avaient été groupe de la semaine chez France Inter, à l'époque, l'émission Pop Club de José Arthur. Donc voilà, ils ont eu leur petite gloire, mais ça n'a pas duré. Voilà. Donc revenons à nos moutons avec King Crimson, période fin 69. La tournée US, c'est un succès sans précédent, un truc assez énorme. Le groupe prend vraiment une renommée internationale avec cette tournée, qui s'achève donc le 14 ou le 15 décembre de cette année-là, par un coup d'éclat. Sans prévenir, du moins sans en avoir discuté précédemment, Ian MacDonald et Michael Jice décident de quitter le groupe, non pas pour divergence musicale importante, il y en a quelques-unes, Michael Jice était plus jazz que rock, on va dire, pour simplifier les choses, et Fripp plus rock que jazz, mais surtout parce qu'ils en ont tous les deux marre de cette tournée qui a démarré en réalité au printemps dernier, hein, et ils ont pendant quasiment 9 mois, ils ont joué tout le temps, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, et ils sont tous les deux impliqués sérieusement dans des relations amoureuses, ils en ont marre de ne pas voir... leur petite amie, etc. Et donc, ils décident de quitter cette scène musicale, en tout cas. Non pas la musique, mais en tout cas la scène. Et donc, ils quittent King Crimson et laissent Fripp et Greg Lake en plan, du jour au lendemain, sachant qu'un mois plus tard, les sessions du deuxième album doivent commencer, sachant que 3 mois plus tard, une grande tournée en Angleterre et en Europe, en France principalement d'ailleurs, est prévue. Et donc Fripp et Lake rentrent à Londres de leur côté en se demandant bien comment ils vont faire, quoi. Autant changer le batteur Michael Jice, ça peut être relativement simple parce que des batteurs, il y en a plus ou moins un peu partout. Autant remplacer Ian MacDonald qui, au fil des mois, avait pris quand même une place énorme. C'est quand même lui qui a composé plus des 3/4 du premier album. C'est quand même lui qui est sur le devant de la scène, parce que toutes les interventions guitare de Fripp sur l'album, et même sur scène d'ailleurs, hein, sont quand même assez en retrait. Elles sont assez minimes, elles sont percutantes, c'est vrai, c'est remarquablement bien joué, mais il est quand même bien plus en retrait que Ian MacDonald, qui avec sa flûte, avec ses saxophones, avec son mélotron, occupe vraiment énormément d'espace sur toute la période 69 de King Crimson. Donc c'est un gros coup dur, et il faut le remplacer. Et pour le remplacer, ben, il va falloir pas moins de 3 personnes. On va retrouver au clavier Kate Tippett, qui est un ami de Fripp, Kate Tippett, qui fait partie de la scène jazz avant-garde de l'époque, avec Sam Tippett, et puis ses propres formations à lui, hein, et puis qui connaît un nombre absolument incroyable de musiciens de cette scène-là. Il va falloir le remplacer également par... Ça y est, j'ai un trou. Hein. Désolé, Manu, là. L'improvisation, c'est pas toujours magnifique. Enfin, bref, tout ça, ça va me revenir. Tout ça pour dire que McDonald's et Jice vont partir de leur côté, se mettre en retrait de la scène musicale, mais vont aller enregistrer en studio un album qui va s'appeler tout simplement McDonald's and Jice. Donc on est en 1970 là, et pendant que Crimson se dépatouille pour trouver des remplaçants, eux ils vont s'installer en studio, faire un disque qui va reprendre des compositions qui auraient dû être dans le deuxième album de King Crimson, et comme c'est McDonald qui avait composé quasiment tout, et ben du coup il part avec ses compositions et il les met dans cet album là. Alors je vous propose d'écouter, si Manu est prêt, un titre de cet album assez court, qui dure 3 minutes, qui s'appelle Fight of the Ibis, qui est une composition d'Ian McDonald et qui est donc jouée par McDonald's et les deux frères Jice, parce que Peter Jice rejoint aussi à la basse cette formation. Si Si vous nous écoutez depuis la région toulousaine, alors il est 22h02 et nous sommes jeudi soir. Si vous nous écoutez du côté de la Corrèze sur Bram FM, dans ce cas-là, il est 23h32 et nous sommes vendredi soir. Et si vous nous écoutez sur Toulouse, vous nous écoutez sur 106.8. C'est vraiment autre chose, 199e édition. La suite de l'exploration radiophonique de la Nurse With Wound List, au pied de la lettre, c'est l'épisode 25, consacré à King Crimson. On vient d'écouter à l'instant un titre qui s'appelle Flight of Ibis, qui aurait dû être dans le deuxième album de King Crimson si les musiciens qui interprétaient ce titre n'avaient décidé de quitter le groupe peu avant l'enregistrement de ce fameux deuxième album pour enregistrer eux-mêmes leur propre répertoire. J'espère que j'ai été clair. Tout ça, c'est Alec qui nous le raconte et nous sommes toujours en compagnie de Steph. Et oui, vous êtes en ma compagnie, mais vous avez vu, tu as parlé des décalages horaires en France entre la Corrèze, Toulouse, et quand c'est jeudi, c'est vendredi, enfin bref. Du coup, demain matin, ce sera samedi, et il va falloir que je me lève très tôt. Et donc, je vais écouter la suite de l'émission dans la voiture, et je vous souhaite une bonne fin d'émission. Merci Alec pour ces renseignements, et bonne continuation d'émission, là, parce que ça a l'air vraiment bon, et je dois partir. Ah! Au revoir camarade, merci beaucoup d'être passé nous faire un petit coucou et à bientôt pour les suites des aventures radiophoniques. Carrément, merci à vous et bonne fin de soirée. Merci. Alec, la parole est à toi mon bon. Alors, donc, ce morceau qu'on vient d'écouter est intéressant à plus d'un titre. D'abord pour bien faire remarquer la différence musicale entre ce qu'avait Fripp en tête et ce qu'avait McDonald principalement. Là, on est un peu sur une ambiance, je dirais pas Beatles, mais pas loin, quoi. Hein. C'était mignon, voilà. C'était assez mignon. Tout le disque est un petit peu comme ça. C'est intéressant. Honnêtement, ça s'écoute très très bien. Mais c'est vrai que quand on sait ce qu'a fait Crimson par la suite, on voit bien que c'était pas forcément destiné à continuer ensemble. Donc Fripp, le musicien que j'oubliais, va embaucher Mel Collins. Voilà, Mel Collins qui est un saxophoniste et qui jouait dans un groupe qui s'appelait Circus. Ils ont fait beaucoup de dates en commun en 1969, Crimson et Circus. Et donc il a rencontré Mel Collins et il a trouvé que c'était le plus intéressant musicien pour remplacer Ian MacDonald principalement au saxophone et à la flûte. Mel Collins jouait encore avec King Crimson. L'année dernière, enfin non pas l'année dernière, en fin 2021, quoi, il y a 12 ou 13 mois, il faisait encore partie de l'équipe. Donc c'est un engagement qui a duré, on va dire. Fripp va donc avec Colin Stipet, il y a encore Greg Lake, va donc commencer les sessions d'enregistrement du deuxième album qui va s'appeler In the Wake of Poséidon. Il va falloir qu'ils trouvent des solutions parce qu'il manque beaucoup de morceaux. Donc ils ont déjà un morceau assez célèbre qu'ils jouaient déjà à l'époque en 69, mais uniquement sur scène. C'était Picture of a City. Ils vont avoir une ballade qui s'appelle Cadence of a Cascade, qui va être un petit peu le pendant de I Took to the Wind du premier album. Cadence of a Cascade d'ailleurs, dont on retrouve un petit peu des bribes de mélodie dans le morceau qu'on vient d'écouter, Fight of the Ibis. Comme quoi, à mon avis, c'était des répétitions communes avec McDonald à une époque, et puis ça a divergé par la suite, mais ils ont chacun pris un petit bout du morceau. L'idée vraiment intéressante, c'est d'avoir fait intervenir, pour moi, Kate Tippett, pianiste un peu fou. Et je crois que le meilleur moyen, c'est d'écouter de suite le morceau qui se retrouve sur la deuxième face et qui est sorti en single, morceau qui détonne totalement avec ce qu'on a pu entendre de King Crimson avant en studio, et où Kate Tippett mais se lâche d'une façon absolument remarquable. Cat Food. Thank you. Voilà, c'était donc Cat Food, premier single sorti de l'album In the Wake of Poséidon au printemps 1970 avec l'étonnant Kate Tippett au piano. On avait encore Michael Giles est venu faire quelques prises de batterie. Ça s'entend parce que c'est vraiment son jeu. Et la voix était donc de Greg Lake. Ça va être la dernière participation de Greg Lake à l'aventure King Crimson. Car à l'automne 69, il a rencontré Keith Emerson, leader des Nice. Ils ont fait quelques dates communes aux États-Unis. Et Keith Emerson a débauché Greg Lake pour faire un trio avec Carl Palmer, qui va devenir célèbre quelques mois plus tard. Emerson, Lake and Palmer. Donc l'album sort. Le groupe n'existe plus parce que ben, y a plus de Greg Lake, il y a plus de chanteur, il y a plus de bassiste. La tournée évidemment est annulée, donc on n'aura pas le plaisir de les voir en France. Il faudra encore attendre 3 ans avant qu'on les voit en France. Le disque est un, on va dire, demi-succès parce que la notoriété du premier disque a fait que tout le monde s'est rué sur le deuxième, ce qui était assez logique. Mais il y a quand même pas mal de critiques qui trouvent que ce disque ressemble par beaucoup de points au premier. C'est plus ou moins le même schéma, il y a les mêmes nappes de mélotron, à part le morceau Cat Food, que j'ai présenté exprès pour montrer que ça pouvait quand même bien dénoter en termes de composition. Il y a vraiment, on va dire, peu de nouveautés. Mel Collins tient honorablement sa place de saxophoniste dans cet album et est retenu quand même pour pouvoir continuer l'aventure suivante. Ça va aller très très vite. Comme la tournée est annulée, il rentre de suite au studio pour enregistrer le troisième album qui sortira la même année, donc il sortira également en 1970. Cet album s'appellera Lizard. Pour ce faire, Fripp a embauché un ami d'enfance, chanteur et bassiste, qui s'appelle Gordon Haskell. Chanteur, on va dire, un peu soul, crooner, rien à voir avec Greg Lake, quoi, hein. C'était assez surprenant, ce choix. Donc Mel Collins tient toujours les saxophones et les vents, Fripp à la guitare, et Kate Tippett, impérial pour tout ce qui est orchestration et piano. Va s'en suivre donc des morceaux qui vont assez dénoter des albums précédents, Circus, Indoor Games, Happy Family, des morceaux assez satiriques, avec une veine jazz, limite jazz rock par endroit, et sur la deuxième face une longue suite, donc la suite qui s'appelle la suite titre, la titre Lizard en anglais, et qui est très très empreinte de, à la fois de jazz et de musique classique contemporaine. C'est vraiment une pièce très audacieuse qui dure une vingtaine de minutes, 23 si mes souvenirs sont bons, qui raconte toute une histoire de bataille, entre de conflits, quoi, entre des belligérants, et qui se finit de manière dramatique par, avec un morceau qui s'appelle Prince Rupert Lament, que on peut écouter, qui est un morceau absolument magnifique dans la mesure où il y a une plainte de Fripp à la guitare. C'est un morceau très minimaliste, hein. On n'entend pas grand-chose, on entend un son de basse, quelques caisses claires et la guitare de Fripp et c'est tout. Mais c'est, pour moi, c'est un morceau des plus déchirants que j'ai pu écouter de King Crimson. Prince Rupert Lament. Prince Rupert's Lament. À l'instant, c'était donc King Crimson. Je précise que tout ce qu'on entend qui n'est pas du live, ce sont des alternate takes. Toi, tu es un grand fan de King Crimson. Et tu es aussi un collectionneur. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas un pirate ou il n'y a pas un coffret qu'ils ont ressorti par la suite, parce qu'ils en ont beaucoup ressorti des coffrets avec des versions live, des versions alternate takes, des prises alternatives, autrement dit, des morceaux enregistrés en studio, mais dont la version n'a pas été gardée. Est-ce que tu sais qui c'est qui faisait le choix, justement? Je me demandais on va garder cette version-là pour l'album ou l'autre. Est-ce que c'est Fripp qui dirigeait vraiment ce groupe? J'ai l'image de Robert Fripp comme étant quelqu'un de très directif. Est-ce que c'était le cas à l'époque, ou est-ce que c'est le cas, ou est-ce que je me gourre? Au tout début, je pense qu'il y avait vraiment une participation de chaque membre à toutes les décisions, à l'écriture, même si Jack McDonald a tiré vers le haut, quoi. Mais il y avait vraiment une participation de tout le monde. Fripp était assez en retrait. Par contre, Fripp s'est trouvé assez rapidement seul aux commandes au bout d'un an, et demi, quoi. Tout le monde s'en allait autour de lui. Et il est devenu quand même, à mon avis, assez directif, ce qui a beaucoup déplu à Peter Sinfield, donc le parolier des tout débuts, qui est encore là en 70-71, hein. Il va partir en décembre 71, Pinsinfield, et à la fin, ils étaient à 50-50, quoi. Ils se partageaient les royalties à moitié. Fripp voulait 60 et voulait donner 40 à Sinfield. Ils n'étaient pas d'accord, mais ils ont trouvé un compromis à 50-50. Mais je pense que musicalement, c'est clair, Fripp, à partir de ce moment-là, à partir de l'album Lizard, Fripp, toutes les décisions ont été proéminentes de sa part, quoi. Ouais, ouais. Ok. Album Lizard, dont on ne vous a pas passé d'extrait, encore une fois, hein, le principe, c'est qu'on va s'écouter vraiment que des versions inédites ou des versions live de King Crimson, mais je te rejoins, cet album, c'est une merveille. La suite titre, elle est incroyable. Ouais. On est tenu en haleine du début à la fin, il se passe tout le temps des choses, ça ne ressemble pas du tout au premier album de King Crimson, ni à ce qu'ils ont pu faire par la suite, d'ailleurs, c'est vraiment à part. Mmh. Et c'est hyper beau. On est toujours dans l'exploration de la Nurse With Wound List. Tout à l'heure, Stéphane nous a parlé de Comintern. T'as souligné que t'aimais bien le côté cabaret de ce groupe-là. Absolument. Et ben, on va rester dans le cabaret, un peu quelque part, avec un groupe dont la présence dans cette liste peut surprendre. Il s'agit du collectif Rotterub. Et je sais pas comment ça se prononce, c'est de l'allemand. Et ça peut surprendre parce que c'est pas du tout un collectif de musiciens, c'est un collectif de théâtre, c'est un collectif théâtral. Le collectif Rotterub, ça veut dire le collectif Betterave Rouge, un collectif théâtral donc gauchiste de Munich dans les années 70, fondé par des étudiants en art dramatique de l'école Otto Falkenberg. Voilà. Pour la petite anecdote, le nom Betterave, c'est basé sur un vieux conte de fées chinois dans lequel un enfant essaye désespérément d'arracher une betterave du sol. Il ne réussit pas dans son plan, deux autres enfants viennent à son aide. Une fois, ça bouge un petit peu, mais pas assez, d'autres enfants se précipitent. Au final, il y a 10 enfants et ils parviennent enfin à arracher la betterave de la terre. C'est une petite fable, un petit conte de fées qui décrit la force de la communauté et l'énergie d'un collectif. Pour ça qu'ils ont choisi ce nom-là. Et ils produisent des pièces de théâtre plutôt gauchistes, comme je vous le disais. Ça commence par Prometheus, qui est un collage scénique, qui c'est leur première production. Ça s'appuie sur les expériences des membres. En 73, c'est la pièce Pencils with Ed, sur les problèmes de la formation en apprentissage. La même année, les femmes du collectif se réunissent pour créer une pièce d'agitation, je cite, qui s'appelle Frauenpower et qui est une pièce pour l'avortement. En 74, c'est Bravo Bravo qui parle des activités des jeunes, de loisirs des jeunes en Allemagne. En 74, toujours Terror sur la situation au Chili après le coup d'état militaire de Pinochet. On a affaire à des gens, non seulement à des gens qui étaient, conscients de ce qui se passait et qui portaient un message, et aussi ils sont quand même très prolifiques. Hein. Vous avez vu le nombre de pièces qui peuvent sortir par an. En 75, la production s'appelle Viva Italia. Là, c'est sur le néofascisme. Et enfin, c'est là qu'on va s'arrêter. En juin 1976, une revue politique qui s'appelle Paranoia, qui est une revue contre la peur et la misère en Allemagne. Voilà. Quand je dis revue, c'est au sens théâtral du terme, bien sûr. C'est pas une revue à lire. Ça a été joué à Berlin-Ouest, notamment, à Munich. Et c'est une pièce qui montre des scènes de peur et de violence conçues pour être quelque part vues comme un documentaire. Et c'est cette pièce-là qui leur vaut leur présence dans la Nurse With Wound List, parce qu'ils l'ont sortie en disque. Ils se sont accoquinés avec un groupe groupe qui s'appelle Tonstein Scherben. C'est un groupe que, dont vous avez déjà entendu parler, dont vous allez entendre parler plus tard, parce qu'ils sont dans la liste en tant que Tonstein Scherben. Et on en a déjà entendu parler parce que je vous avais parlé il y a très longtemps, quand on était autour de la lettre B, du Brumwarm Théâtre, qui était aussi un collectif allemand de théâtreux. Eux étaient plutôt orientés sur les droits homosexuels, si je ne m'abuse, en tout cas sur la liberté de jouir de son corps comme on l'entend. Et pour mettre leur pièce en musique, ils avaient fait appel à ce groupe-là aussi, Tonstein Scherben. Donc on a déjà entendu un petit peu les notes de ce groupe, qui a l'avantage d'être un groupe qui propose une palette musicale hyper large, et donc c'est très bien pour illustrer du théâtre. Je vous propose, avant d'en parler un petit peu plus, qu'on rentre un peu dans l'univers donc, de cet album, Paranoia. On est en 1976, donc on va écouter donc, le collectif Rote Rube mis en musique par le groupe Tonstein Scherben, et le titre s'appelle tout bêtement Entrée, et on en reparle juste après. Ladies and gentlemen, Paranoia. Natürlich mit dem wundervollen jungen Gustav, Lukas und Paula. Und jetzt die schönsten und schärfsten Frauen des Globus. Martha. Es wird nur dann unsicher, wenn es keine Führung hat. Im Moment, in dem eine feste Führung da ist, ist es glücklich. Denn die wollen einen Führer, der ihnen Anordnungen gibt und Anhalt. Deutschland, sieh ein! Oberkommando der Wehrmacht, bekannt. Pausenlosem Einsatz legten deutsche Bomberverbände London in Flammen. Et voilà, on vient d'entrer donc dans l'univers de Paranoia, l'album donc de Tonstein Scherben et du collectif Rote Rube. C'est typiquement le type d'album qu'on n'aurait jamais dû entendre parler. Il est sorti en 500 exemplaires. C'est vraiment grâce à sa présence dans la Nerswizun List qu'il a passé le temps. Je l'ai écouté en entier. Bon, je pense que ça doit être mieux quand on comprend l'allemand, on va pas se mentir. Mais il est pas désagréable à écouter, notamment, comme je vous disais, parce que ce gros groupe là, Tonsten Scherbe, c'est enchaîner des ambiances qui se ressemblent pas forcément. Donc on est un peu, le morceau suivant ressemble pas à celui qu'on a entendu avant, donc on est toujours un petit peu en alerte quand on entend ça. Pour décrire cet album, ça commence par une parodie de Pseudo Cabaret là, ce qu'on vient d'entendre, qui se termine par des extraits de Sieg Heil. C'est quand même pas rien. On est en Allemagne et bon, c'est un truc qui s'appelle Paranoia avec des extraits de Sieg Heil. On peut voir un peu où est-ce qu'ils veulent en venir. Ensuite, le morceau suivant, bon, on dirait du Goldman, là, une mélodie au piano, mélodie propagande piano pop, dont la partie parlée vous pique la peau, je cite, j'ai pris ça dans un blog allemand, le gars comprend les paroles, donc du coup, bon, voilà. C'est suivi d'un drôle d'instrumental de cow-boy, ensuite, il y a des voix de groupe allemand, anglais, français, avec de la blague dedans, suivi d'un collage de sons et de dialogues extrêmement sombres et déprimants, et la face A se termine par du hard rock proto-punk, et ensuite par une chanson gaguesque sur les Allemands turcs. Voilà, pour la face A. La face B, un petit peu plus de cabaret, un morceau disco socialement critique, une discussion de bar sur le travail, une chanson d'amour socialement critique, un bruit de synthé instrumental expérimental, un prog rock méchant sur le travail à la chaîne qui tue l'homme, et une petite miniature de cabaret, et enfin on finit sur une balade triste sur les centrales nucléaires et la vie monotone des ménagères allemandes. Donc c'est tout un voyage au sein justement de la paranoïa, de la peur et de la misère dans la société allemande, et aussi un voyage musical, c'est pas l'album du siècle, mais ça vaut quand même d'être écouté, sincèrement, c'est vraiment pas désagréable cet album-là. J'en veux pour preuve, on va s'écouter le titre phare justement, Paranoia, là, celui qui est un peu proto-punk, et on va enchaîner avec le titre un peu gaguesque sur les Allemands turcs, pour rentrer plus en avant donc dans l'univers du collectif Rot Rube, accompagné par le groupe Tonsten Scherbe. ladies and gentlemen, and now Miss Holly Wood. Ich stelle keine Fragen, wenn du kommst, mein Hand. Ich geb dir gern dieses kleine Stück von mir. Ich hab ne Menge auf dem Kasten und auch sonst, mein Hand. Also was ist? Keine Müdigkeit. Gehen wir? Jede Nummer mach ich, die du wünschst, mein Hand. Ich mach dir's, wie du's willst. Ich mach dies, wie du es willst, wie du es willst. Ja, wenn ich meine Hand auf, geht's mit meiner alten Heim auch noch. Leck mich am Arsch. C'était le collectif Rot Rebeu, accompagné du groupe Tonstein Scherben, donc qui signe cet album Paranoia, sorti en 1976. Si vous prenez l'émission en cours, nous écoutons tout ça. Pourquoi nous écoutons tout ça? Eh bien, ça a un sens, c'est parce que nous sommes en train d'explorer la Nurse With Wound List. Je vous refais le topo très rapidos. 78 sort le premier album du groupe Nurse With Wound, à l'intérieur une liste, la Nurse With Wound List, dans laquelle ils mettent toutes leurs influences qui les ont amenés à composer leur musique. Leur propos est simple, on n'est pas musicien, il n'y a pas besoin d'être musicien pour faire de la musique, il suffit de savoir écouter. Et donc, il nous indique quoi écouter dans cette liste. Liste qui deviendra presque plus célèbre que le groupe à un moment, qui sera vraiment le saint graal de tous les collectionneurs et de toutes les collectionneuses de musique aventureuse et expérimentale. Et dans les années 80, 90, les albums commencent à être réédités grâce à la liste. Les disquaires font carrément des casiers spéciaux des albums de la Nurse With Wound List. Tout ceci devient très, très célèbre. Et cette liste-là, la BBC lui a consacré une émission de 4h30, Audion Guide to Nurse With Wound List. Nous, à Radio, nous avons décidé de consacrer une soixantaine d'émissions entre 2h30 et 4 heures, c'est l'exploration radiophonique de la Nurse With Wound List que vous êtes en train d'écouter actuellement sur Radio ou sur Bram FM. Et pour cette 25e épisode, nous sommes sur la lettre K et nous avons un très très gros fil rouge autour de King Crimson, pour lequel on a le plaisir d'accueillir un camarade de longue date, Alec, qui nous raconte l'histoire du roi cramoisi. Alec, c'est à toi de reprendre la main. Très bien, merci Manu. Donc, on vient d'écouter le dernier extrait, c'était Prince Rupert Lamond sur Lizard, où tout le talent de Fripp est mis en avant. Fripp, guitariste exceptionnel, donc on a peut-être pas assez parlé jusqu'à présent, qui a développé un jeu bien singulier, avec une technique bien à lui, où alors il est capable de faire beaucoup de picking, il fait des arpèges absolument prodigieux, mais surtout il part du principe qu'il faut rester sur la même corde le plus longtemps possible. Tout ceci ajouté avec une utilisation, ce qu'il a appelé plus tard la Fripp Box, une utilisation de pédales d'effet où il y a du fuzz, de la reverb, de l'écho et du sustain. Fait que le son de Fripp devient facilement reconnaissable dès qu'il entame un solo. Voilà, avec une note tenue très très longue, et ça, c'est ça, plus ou moins sa marque de fabrique, quoi. Hein, voilà. Donc, ça c'était pour revenir sur Prince Rupert Lamont. Tout de suite après l'enregistrement de Lizard, tout le monde s'en va. Sauf Mel Collins, mais enfin, il n'y a plus grand monde. La tournée qui était prévue est une fois de plus annulée. Fripp est obligé d'engager de nouveau. Il garde donc Mel Collins, bien entendu. Il embauche Ian Wallace à la batterie et un chanteur qui s'appelle Boz Burrell. Et il cherche un bassiste. Il va le trouver avec Rick Kemp, qui va faire quelques répétitions, qui va s'en aller au bout de quelques répétitions, parce que visiblement, Fripp n'était quand même pas quelqu'un de très facile à vivre à cette époque-là, à n'importe quelle époque je pense aussi, mais principalement à cette époque-là, parce qu'il en avait quand même un peu marre, Fripp, que tout le monde s'en aille. Donc il ne devait, devait pas être simple du tout. Donc Rinkeb s'en va, et ni une ni deux, Fripp dit à Boz, Boz Burrell, hein, écoute, je vais t'apprendre la basse. On part en tournée la semaine prochaine, je t'apprends la basse. Et donc il a appris la basse à Boz Burrell en quelques jours. Et ils étaient au Zoom Club pour quatre concerts de suite avec Boz Burrell qui avait quelques rudiments de basse, mais c'est tout, quoi. Et donc, comme il s'était fait avoir précédemment avec les tournées annulées au dernier moment parce que tous ses musiciens s'en allaient, il a décidé cette fois-ci de faire le disque après les tournées et donc de consolider son groupe pendant les tournées et de tout le matériel qu'il avait, de le jouer pendant ses tournées et ben d'améliorer les morceaux, d'en écrire des nouveaux. Enfin bref, tout un processus d'écriture qui allait se faire au fil des mois. La tournée a commencé en avril et le disque a été enregistré à l'automne et est sorti au mois de décembre. En 1971. Toujours avec ce bassiste donc qui... Voilà, avec Boz Burrell qui est au départ un chanteur et qui va devenir un bassiste-chanteur par excellence, quoi. Voilà. Donc le quatuor s'en va en tournée. Gros succès. Encore l'influence beaucoup du jazz. Pas mal de morceaux du premier album, du deuxième album et de Lizard, que tous les musiciens se sont bien appropriés. Mel Collins étant encore là, c'était quand même relativement facile. Et ils vont donc en studio. Ils enregistrent l'intégralité de l'album, qui est, je dirais, un des albums les plus faibles, entre guillemets, de King Crimson, parce que un des moins novateurs. Voilà. Mais avec quand même de superbes morceaux dessus, et entre autres, un morceau qui s'appelle Sailor's Tales, qui a été conçu déjà en 1970. On a des ébauches de ce morceau sur certaines cassettes. Et qui a été peaufiné pendant toute l'année en live. Et qui est intéressant parce que Fripp nous fait un solo totalement inédit, en accord plaqué. Pas du tout avec justement ce que je vous parlais précédemment, cette espèce de note tenue en sustain qui est sa marque de fabrique. Là, il surprend tout le monde avec ce morceau. J'ai choisi la version studio parce que malheureusement, tous les enregistrements de l'époque, et il y en a quand même énormément, proviennent de cassettes qui ont été repiquées de cassettes, repiquées de cassettes avec un souffle dramatique. Donc je me suis dit quand même, allez, ce morceau, on va l'écouter dans les conditions du studio parce que c'est le plus intéressant. The Sailor Stays. Thank you. On peut vraiment dire qu'avec ce morceau, Robert Fripp a cassé les codes du solo de guitare dans un groupe de rock. Parce que autant toute la trame rythmique est assez jazzy, assez jazz rock même, autant le solo est complètement ahurissant à mon point de vue, quoi. Il a créé quelque chose encore là. C'était vraiment un musicien qui se voulait d'avant-garde pour l'époque. Il voulait innover à tout prix. Hein. En même temps, il commençait à réfléchir avec Eno à ses projets de musique ambiante, de boucles enregistrées sur des magnétophones et tout ça. Il partait un petit peu dans tous les sens, mais c'était pour faire avancer la musique tout simplement, quoi. Pour moi, c'est un des plus beaux morceaux de cette période. Le disque s'appelle Island, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Donc, c'est les musiciens que j'ai mentionnés jusqu'à présent. Augmenté sur le disque, quand même, que de toute l'équipe de Kate Tippett. On a Nick Evans au trombone, Mark Charig, Kate Tippett lui-même, bien entendu, qui installe encore un peu plus le côté jazz et le côté big bang qu'on retrouve sur cet album. Qui sera bien reçu, cet album-là ? Il sera pas mal reçu. En live, très bien. L'album en lui-même, honnêtement, j'en sais trop rien. Rétrospectivement, c'est un très très bel album, quoi, qui dénote bien dans la discographie de King Crimson, surtout avec ce qui va suivre par la suite. Mais bon, il a dû avoir quand même sa petite aura à l'époque, hein. Moi, je me souviens l'avoir écouté 3-4 années après sa sortie et avoir été comblé dès la première écoute. Hein. On ne change pas un système qui perdure depuis plusieurs années. L'enregistrement se termine et tout le monde s'en va. Plus de musiciens. La défection la plus importante, c'est celle de Peter Sinfield, qui est quand même le compagnon de Fripp via McDonald depuis 1968, qui écrit tous les textes, qui est un peu le concepteur de l'image de toute l'aura qu'il y a autour de King Crimson, hein, et qui s'en va parce que, bon, tout simplement, il a fait son temps et il a décidé que ça suffisait. Il part travailler avec Emerson, Lake & Palmer, il part travailler avec PFM, les Italiens. Ces gens-là, il va d'ailleurs composer un très bel album studio l'année suivante. Donc, les autres musiciens ont envie de s'en aller aussi, mais le producteur de l'époque, parce qu'il y a une tournée qui est prévue pour le printemps 72, dit « Hop, hop, hop, hop, hop, stop, là, ça suffit. S'il vous plaît, tenez encore 4 mois jusqu'au mois d'avril 72. On fait cette tournée parce qu'il faut... » Il faut la promouvoir. Donc, ils se laissent tenter, les trois musiciens, donc Buzz Burrell, Mel Collins et Ian Wallace. Et donc, ils vont accompagner Fripp, on va dire ça comme ça, pour une tournée nord-américaine de février à avril 1972. Énormément d'improvisation durant cette période. Fripp va commencer à composer pas mal de morceaux qu'on va retrouver par la suite. On va dire, j'ai toujours appelé cette formation un peu une formation laboratoire où Fripp a expérimenté plein de choses, et dans les lives ça s'entend assez bien. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas des lives de très très bonne qualité sonore, parce que c'est quand même assez passionnant toute cette période là. La tournée s'achève, les trois musiciens changent complètement de registre parce qu'ils rejoignent Alessis Corner. Ils vont faire du blues rock. Mais de suite dans la foulée, quoi. Hein. 2 mois après, ils étaient en tournée avec Alexis Corner et ils enregistraient un album qui est pas mauvais, mais qui a strictement rien à voir avec ce qu'ils faisaient avec Crimson. Voilà. Et Fripp a plus ou moins 6 mois pour reconstruire quelque chose. Et là, il a l'idée de génie de rappeler un musicien qu'il avait contacté lui-même il y a quelques années, Bill Bruford, batteur de Yes, qui voulait rejoindre Crimson déjà au moins 2 ans auparavant. Et Fripp lui avait dit « Non, non, non, non, non, c'est pas possible, c'est pas le moment pour toi. » Mais qui avait toujours gardé dans sa tête, il y a Bill Bruford qui est intéressé, et ce qu'il fait avec Yes, c'est quand même pas mal. Yes vient d'enregistrer Close to the Edge, qui va être un énorme succès, aussi bien en live qu'en album. Un truc absolument incroyable. Et Fripp appelle Bruford à ce moment-là, qui n'hésite pas un instant. Bruford, il est en pleine gloire avec Yes, et il quitte Yes en pleine gloire. Il cède 50% de ses royalties à son successeur, Alan White, pour pouvoir partir. Un truc, wow, qu'on verra jamais. Et lui, il voulait vraiment, ouais. Ah, il voulait vraiment bosser avec Fripp, quoi. Hein. Donc, Fripp appelle également un ancien camarade d'école. Hein, il devait avoir un sacré réseau à l'école à l'époque. John Wetton, qui à l'époque jouait dans Family. Et donc, il va tenir la basse et le chant. Et un illustre inconnu qui s'appelle David Cross. Et pour la première fois, il n'y aura pas d'instrument avant dans King Crimson, parce que David Cross est violoniste et aussi clavier. Donc, c'est lui qui va tenir les parties de Mellotron en partenariat avec Fripp. Hein, pour toutes les tournées de cette formation, il y aura toujours deux Mellotrons sur scène, un à droite, un à gauche. David Cross d'un côté et Robert Fripp de l'autre. Donc là, tu nous spoiles un peu la suite. Il y aura des tournées avec cette formation, ils s'en vont pas ? Non, c'est même la formation qui va durer le plus longtemps de toute cette première partie de la vie de King Crimson. Ouais, et puis c'est la formation, enfin à titre perso, c'est la formation la plus passionnante qu'ait eu ce groupe, quoi. Ouais, tout à fait. Fripp a toujours dit, c'est vraiment la formation, c'est vraiment King Crimson. Ça, c'est King Crimson, ce qu'on fait là, avec ces gens-là. Et tout ce qu'il y a eu auparavant, c'était bien et c'était surtout nécessaire pour arriver à ce stade-là. Voilà. C'est fort bien dit. On enchaîne donc. Alors, on enchaîne avec les premières répétitions de cette formation vont en plus inclure un percussionniste de génie qui s'appelait Jimmy Muir, qui était un peu fou. C'était un gars qui jouait dans des groupes d'improvisation, des collectifs. C'était pas un vrai musicien de groupe, quoi. Il allait à droite, à gauche, et voilà, il avait une conception des percussions complètement folle dingue, quoi. Ça partait dans tous les sens. Et Fripp a eu envie de bosser avec ce gars-là pour le premier album. Malheureusement, il ne va pas rester longtemps, il va rester 4 mois. Il va faire quelques concerts. On a la chance d'avoir des images d'une prestation au Zoom Club à Francfort, où on le voit vêtu de peau de bête, jeter de la peinture. Enfin bon, c'était un showman, quoi, hein, en même temps qu'un percussionniste de fou. Il va énormément apprendre à Bill Bruford. Bill Bruford ne touchait pas aux percussions, lui il faisait que de la batterie, et tout d'un coup il va apprendre plein de choses avec ce gars-là en 4 mois, et il lui en sera toujours reconnaissant. Dans son autobiographie, il en parle, quoi, hein, il le dit. Et donc il va enregistrer un album qui s'appelle Last Song in a Speak. C'est d'ailleurs la seule contribution de Jimmy Muir en termes d'écriture à King Crimson, dans la mesure c'est lui qui a trouvé le titre. Parce qu'autrement, il ne s'est absolument pas occupé de composition musicale. Mais c'est lui qui a trouvé le titre « Les langues de gelée » en aspic pour cet album. On va en écouter un extrait, un morceau qui s'appelle « Exile », mais qui est précédé d'une petite improvisation qui s'appelle « Tight Scrummy », qui sera jouée à l'Apollo de Glasgow en 1973. Thank you. is so behind me. Face the call of fame, or make a drunkard's name for me. But now this better life has brought a different understanding, and through these endless days shall come a broader sympathy. And though I count the hours, to be your love's no injury. My home, but a place by the sand, prince and a military band, ruin and a normality. Waouh, c'est impressionnant la qualité de son. Vraiment pour un, je sais pas dans quelles conditions, comment on arrive à enregistrer un concert à Glasgow à cette époque, mais la qualité de son est incroyable. Tout à fait, absolument. Il y a vraiment une disparité absolument incroyable au niveau de la qualité du son entre les enregistrements qu'on a eu l'année précédente en 72 et à partir de 73, c'est parfait. Et c'est souvent tout le temps parfait, quoi. Vraiment très très bon. Parce que à cette époque-là, ils sortent que des albums studio. Il y a un album live, non, USA. Oui, ça c'est plus tard. Okay. Ça c'est 75. Enfin, ça a été enregistré en 74, mais c'est sorti en 75. Par contre, il y a eu Earthbound avec la formation de Highland qui est sorti en 72 et qui a un son complètement pourri de cassette pirate. On ne sait même pas pourquoi Fripp a sorti ça, lui qui aime tant le son, nickel. Mais bon. Et toi, ces extraits live que tu nous amènes, ça vient de coffret, là, je vois, oui. Qui date d'il n'y a pas longtemps. Depuis le début des années 2010, Crimson, via son site de vente en ligne DGM, Discipline Global Music, donc a sorti période par période, hein, donc des coffrets qui reprennent l'intégralité de toutes les séances studio, ainsi que tous les concerts qui ont été enregistrés et dont ils ont la possession. Donc ça a été fait pour In the Court, ça a été fait pour la période In the Wake of Poseidon, Lizard Island, donc on a eu quelques extraits là aussi. Ça a été fait pour la période Last Song in the Speak, uniquement cette période-là, Starless and Bible Black, et aussi pour la période Red. Et d'ailleurs, ça a continué après avec la période Discipline, etc., etc., jusqu'à les derniers enregistrements studio de 2003 avec The Power to Be Live. Nous, on s'arrêtera à Red, puisque le principe, 74, c'est des choses qui ont été faites avant l'édition de la Nurse with Wound List. Puisque si vous prenez cette émission en cours, eh bien, on en est à quoi ? On en a 2h15 d'émission, donc il est 23h15 sur Radio Radio 106.8, ou bien il est 22h30, minuit 45 sur Bram FM si vous écoutez cette émission un vendredi, ou il est l'heure qu'il est si vous nous écoutez dans les podcasts sur le Mixcloud de Radio Radio ou sur le Mixcloud de Vraiment Autre Chose, où d'ailleurs vous pouvez trouver une playlist spéciale sur les émissions de la Nurse with Wound List. Elles sont toutes dans une playlist spéciale si vous voulez écouter que ça. Sinon, vous pouvez écouter toutes nos émissions précédentes. D'ailleurs, pour la petite histoire, notre toute première émission avec Stéphane, qui était là tout à l'heure, était consacrée à King Crimson. Et on l'avait démarré avec un titre de Giles Giles and Fripp. Comme quoi, voilà, on boucle un peu la boucle ce soir et ça fait plaisir. Dans cette Nurse with Wound List à la lettre K, on retrouve aussi Frank Colgus. Pour la petite anecdote, mais vraiment toute petite, Colgues, ça s'écrit K-O-L-G-E-S, et pourtant sur la liste, il n'y a qu'un seul L. Petite erreur de frappe de nos amis de Nurse with Wound quand ils ont écrit le nom de leurs influences dans cette célèbre liste. Frank Colgues est donc un percussionniste compositeur, en gros, et surtout artiste de performance. Il est le fils de l'architecte et dessinateur Hans Colgues, voilà, qui a également travaillé comme photographe et peintre, donc voilà quelqu'un qui a grandi dans une ambiance artistique, et ça se sentira par la suite dans ses créations musicales et performatrices. En 69, il forme avec Michael Janssen le Padelt Neudelt, un groupe de performance, et d'ailleurs il tirera de ce groupe là son pseudo qui est Adam Neudelt. Voilà, c'est sous ce nom là qu'il va s'exprimer assez souvent en live. Entre 70 et 75, il étudie à l'université de musique des arts du spectacle de Graz et à l'université de musique de Cologne, les deux. Durant cette période, il joue avec Frédéric Rabold, Rainer Linke, Andy Lump. En 75, il fonde le trio de jazz de Cologne. Il a aussi joué dans le groupe Third Eye, un groupe assez connu en Allemagne. Et il sort en 77 son unique album en tant que batteur solo, parce que pour le reste, c'est quelqu'un qui sera assez prolifique. Mais en batteur solo, il n'y a que cet album-là. Donc s'il apparaît sur cette liste, c'est forcément pour cet album-là, qui sort en 77, qui est en fait une compilation de deux séances d'improvisation, juste. L'album s'appelle Drums, Voices and Drums, Voices, Knispelni. Drums, bon, ben, les batteries, Voices, les voix, et Knispelni, c'est son chien, qui apparaît sur un des morceaux, sur le deuxième morceau, si je dis pas de bêtises, on entend des aboiements à un moment. Cet album-là, donc, je l'ai exploré en long, en large et en travers pour l'émission. Que dire dessus ? C'est un album de batteur. C'est un album de batterie. Donc, l'écoute est agréable, on va pas se mentir, on passe plutôt un bon moment. Après, voilà, par la suite, j'ai entendu tellement d'albums de batterie ou d'albums de percussionniste, il y a tellement de choses, sans faire le snob, mais c'est vrai que par la suite, il y a eu des enregistrements de choses tellement merveilleuses dans ce domaine-là, que je trouve pas que cet album dénote particulièrement, mais je veux bien croire qu'en 77, par contre, il dénota, et je comprends qu'il soit sur cette liste, et il est aussi sur cette liste parce qu'il y a il y a quand même un poil de bidouillage sonore. Il y a deux ingénieurs du son qui sont crédités à cet album, et on comprend pourquoi. Il n'y a pas uniquement que la batterie et le chien comme bidouillage sonore, il se passe quand même pas mal de choses, et notamment ce qui m'a le plus plu dans cet album là et pour lequel je vais en recommander l'écoute, c'est une suite de quatre titres qui s'appelle Orma. On est toujours dans l'improvisation, mais il y a quelque chose de beaucoup plus structuré que les pistes d'avant qui font entre 2 et 5 minutes et qui sont vraiment des petits pets de batterie à droite à gauche, ou plutôt en mode percussionniste d'ailleurs. Du coup, je vous propose d'écouter la partie 2 de cette suite, donc Orma partie 2, voilà, où il y a toute une partie, vous allez voir, un peu dévolue à la batterie, et ça se termine par des petits bidouillages de bandes au niveau des chants. Enfin, il est seul à chanter, mais sa voix va se boucler sur se surreboucler pour former un effet plutôt intéressant. Donc voilà, pour continuer cette exploration de la Nurse with Wound List et découvrir un peu la musique de Frank Colgues, je vous propose donc Orma partie 2.

Et c'est sur ce magnifique roulement de batterie que se termine donc Ehormar partie 2. Si vous voulez entendre la partie 3 et la partie 4, voire même la partie 1, ben je vous y invite. C'est vraiment un album que je recommande, notamment pour cette suite qui est vraiment très agréable. Et t'en as pensé quoi, camarade ? Ah, je te prends un petit peu au dépourvu. Ça t'a plu ? Oui, excellent. Non, j'aime beaucoup ça. Beaucoup ça. Tout le travail des voix rythmiquement, là, c'était génial. Et non, vraiment intéressant. Dans 77, c'est ça ? Ouais, enlevez-lui sa batterie, il continue à faire de la batterie avec sa voix, mais c'est un peu ça. Puis la première partie, franchement, pour moi, ça me fait penser à une espèce d'alternate take de Cannes. Enfin, ça fait vraiment penser à du Cannes, cette ambiance-là. Exact. On voit qu'on est en Allemagne et que le monsieur a beau travailler dans le jazz, il n'y a pas que ça. Et vraiment, cette suite est chouette. Ça doit pouvoir s'écouter sur YouTube, ça doit pouvoir se télécharger si vous êtes malin. Et ça vaut carrément son coup d'oreille. C'est pas si long que ça. En plus, je crois que l'album fait à peu près une demi-heure. Et il est vraiment hyper bien. Par la suite, je vais pas beaucoup parler de la suite de Frank Holgers. Déjà, je connais pas trop, donc j'ai juste été regarder sur Wikipédia. Mais en tout cas, très, très. Il continue à être très prolifique jusqu'à sa disparition en 2012. Voilà, participera à des groupes de jazz, des groupes de free jazz, de la musique de cirque, enfin, un peu tout ce qu'on peut lui proposer. Et ça me donne envie de creuser. Je vais essayer de me jeter un petit peu plus sur ce musicien que je connaissais pas. Merci, Steve Stapleton, de l'avoir sorti de l'ombre. Et donc, on est toujours dans l'exploration radiophonique de la Nurse with Wound List, 25e épisode. Ça fait 2h30 qu'on est dessus et qu'on a un fil rouge autour de King Crimson présenté par Alec. À toi la main. Ok. Après cet intermède rythmique, on va continuer un petit peu avec l'exploration des albums de cette formation Bill Bruford, John Wetton, Robert Fripp et David Cross. Jamie Muir ayant quitté la barque très rapidement. On a eu Last Tango in the Speak, le premier album, qui pose vraiment les bases d'une musique qui n'a plus grand-chose à voir avec cette espèce de moitié rock, moitié jazz que faisait Crimson avant, un peu avant-garde, etc. Là, on est dans un domaine où l'improvisation et les longues suites vont aller de pair. John Wetton va se révéler un bassiste extrêmement talentueux en termes d'improvisation. Il va s'entendre superbement bien avec Bill Bruford. Les deux font la paire, c'est qu'à de le dire. Mais ils vont avoir une influence considérable sur tout le matériel scénique, plus que sur l'écriture, mais vraiment sur tout ce qui se passe sur scène. C'est vraiment eux la cheville ouvrière. Et après, que ce soit Cross ou Wetton, ont des bases absolument incroyables là-dessus pour pouvoir broder et s'amuser énormément, quoi. Le second album, ce sera Starless and Bible Black, qui va sortir en 74. C'est ça, 74, qui est un faux live ou un faux studio, comme on veut. Il a été présenté comme un album studio, alors qu'en réalité, les trois quarts de l'album, ce sont des morceaux live. Soit des improvisations, soit des morceaux inédits, mais joués en live. Et il va être un petit peu entrecoupé de quelques petites ballades ou morceaux rock. Il y en a deux ou trois, si mes souvenirs sont bons, enregistrés en studio. Mais l'essentiel de l'album est vraiment live. Et c'est assez curieux parce qu'on va s'en rendre compte que quelques années plus tard, comme c'est mentionné nulle part, tout le monde était persuadé que c'était de l'improvisation au studio, que c'était la suite Fracture, par exemple, c'est du live, alors qu'on est persuadé, quand on l'écoute, que c'est du studio, quoi. Et c'est enfin un album un peu curieux, mais vraiment hyper intéressant, parce que comme c'est du live, toute la dimension de Crimson, là, vraiment prend de l'importance. On va écouter un morceau qui s'appelle Dr. Diamond, qui n'a pas été retenu justement pour cet album, car Fripp, vu la densité du matériel excellent qu'il avait en réserve, ne lui a pas trouvé de place. Il a préféré mettre des improvisations à la place. Et donc cette suite Dr. Diamond va rester inédite pendant de très très longues années. On va la découvrir que dans les années 1990, quand un coffret qui s'appelle The Great Deceiver va sortir sur des lives de Crimson de cette époque-là, et on va enfin écouter ce morceau. Et vu la qualité, on se dit qu'il aurait pu y avoir, il aurait pu avoir sa place. We'll be right back. I train. There's no streets above to me, it's all the same. Your house is down, don't give time. I live below, I'm gonna drive my train to hell. Not a soul would know. Does it matter who I'm in? Be the letters of my name. Nobody said a single word. My authority on the line. Well, you looked me in the face. I knew you made the fatal sign. Voilà, donc Dr Diamond, un inédit, jamais enregistré en studio, qu'on retrouve sur quelques versions live. Celle-ci provient d'un concert donné à Brescia en Italie en avril 1974. Par la suite, on aura un dernier album qui ça va s'appeler Red, enregistré en juillet-août 1974. Après toute une série de concerts sur le continent nord-américain, pendant tout le mois de mai et le mois de juin 1974, vraiment beaucoup, beaucoup de concerts qui ont quasiment tous été enregistrés, donc c'est absolument passionnant, toute cette période-là. Beaucoup d'improvisation et puis des morceaux qu'on va retrouver dans Red, entre autres l'improvisation Providence et le morceau Starless qui doit être le morceau le deuxième morceau le plus célèbre de King Crimson. Longue suite inspirée principalement par John Wetton au départ, et puis avec un petit développement David Cross, et puis un ostinato à la guitare de Robert Fripp, légendaire, ou comment faire un solo avec une note. Voilà. Starless, on va écouter une version de fin juin 2074, live, donc bien avant d'avoir été enregistré en studio. En studio, Ian MacDonald reviendra rejoindre un petit peu l'équipe pour ajouter un peu de saxophone sur le titre. Donc là, on a uniquement le violon et la guitare en solo. Friends, guiding lights. Que dire, personnellement, j'ai les poils hérissés et j'ai lâché une larme sur la fin. C'est tellement beau ce morceau, elle est mortelle cette version, elle est incroyable. Ouais, tout à fait, absolument. Et il n'y a même pas de sax. Hein. Ouais, sur la version studio, il y a tout le sax qui reprend le chorus à la fin, c'est grandiose. Mais là, il le fait à la guitare, tout simplement, ça passe quand même très très bien. Quoi. Ouais, carrément. Puis non, et puis la voix de Wetton est absolument incroyable. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, ouais grave. Ça a vraiment apporté quelque chose, pas pour rien que cette formation, c'est vraiment la meilleure qu'ils aient eue. La batterie aussi, waouh, enfin c'est, c'est vraiment quelque chose. C'est dur de trouver des mots derrière tant de beauté. Et pourtant, je vais enchaîner, on continue l'exploration de la Nurse With One List, on en est bientôt à 3 heures d'émission, sacre bleu. Et je vais vous parler maintenant de... Basil Kirchin, je pense. Il est né en 1927 Je vous raconter un petit peu sa vie parce que vous allez voir, on va écouter un long morceau. Et c'est bien de présenter parce que toute l'histoire qui est autour du morceau est aussi intéressante que le morceau qui est mortel. Je vous le dis de suite, je vais pas vous spoiler, je vais vous teaser un peu là, restez à l'écoute. Le titre qu'on va écouter tout à l'heure est vraiment dingue. Donc ce monsieur né en 1927 passe ses années de formation musicale à jouer de la batterie dans le big band de son père. Avant que l'intérêt pour le genre, tant celui de Basile que celui du public d'ailleurs, ne s'estompe à la fin des années 50. Là, il entreprend une excursion spirituelle de 5 mois en Inde, qui aura une très grande importance dans sa façon de conceptualiser la musique, suivi d'un séjour à Sydney, qui aura aussi de l'importance, mais pour des plus mauvaises raisons, parce que dans cette période-là, il subit la perte traumatique de toutes ses archives musicales, toutes perdues, et une blessure à la tête presque mortelle. Et c'est dans ces conditions-là qu'il revient en Angleterre, et qu'il commence à composer des bandes sonores expérimentales pour des films existants ou des films imaginaires. Pour les films existants, du coup, c'est des commande, ça lui permet de gagner de l'argent, il peut commencer à vivre de sa musique. Et puis les pistes qu'il faisait lui pour son plaisir pour des films inexistants, ça lui permettait d'aller loin dans l'expérimentation sonore et d'avoir un débouché créatif sans entrave à son travail plus avant-gardiste. C'est ce qui lui sert de laboratoire, pour reprendre l'expression que tu avais employée tout à l'heure pour King Crimson, des albums avant la période Lark Tongues in a Speak, Starless and Bible Black et Red. Tout ça pour dire qu'en plus, il chope une subvention du Conseil des Arts qui lui permet de s'acheter un magnétophone de haute qualité et un microphone directionnel. Et là, c'est parti, il collecte du son, voilà, il part là-dessus, il collecte des enregistrements auprès d'une vaste gamme de sources, y compris les quais de sa ville natale, Hull, les animaux du zoo de Londres et, plus controversé, les enfants autistes de l'école suisse où travaillait sa femme. Avec ses nouveaux sons et techniques à sa disposition, Basile a commencé à explorer une théorie spirituelle qu'il avait formulée depuis son séjour dans le temple de Ramakrishna, quand il était dans la fameuse excursion en Inde. Et cette théorie, elle est assez folle. En gros, il croyait que la modification de la vitesse des enregistrements sur le terrain permettait de scruter les nombreux univers qui coexistent au-delà d'une autre, c'est-à-dire par exemple je vais enregistrer une limace, je vais ralentir le son, l'étirer et ça va nous permettre d'entrer dans le monde parallèle du son plus ralenti de cette limace. Et c'est tout son travail à Basile Kirchin est un peu basé sur cette théorie-là, c'est-à-dire le bidouillage pour aller chercher des nouveaux sons, des nouveaux univers, des nouveaux mondes. Et d'ailleurs l'album qui sort, zut, j'ai pas noté la date, je vous le dirai après quand on écoute l'extrait, je crois que c'est 71, ça s'appelle Worlds Within Worlds, donc les mondes dans les mondes. Et il y a deux albums qui vont sortir comme ça, un 71 et un 74, si je dis pas de conneries, moi j'ai choisi le premier, parce que c'est obligé que Steve Stapleton a écouté ça, John Forgas Hill, parce que pour le coup, du Nurse With Wound, on en entend vraiment là-dedans, leur façon de travailler par la suite même de toute la vague de groupes qui sera née dans la mouvance Nurse With Wound, je pense à Coil par exemple, le titre qu'on va entendre, ça fait vraiment penser à du Coil. Donc ce titre, c'est Worlds Within Worlds, c'est la première piste. Alors, j'ai même pas noté comment elle s'appelait. Elle a un nom assez bizarre. Est-ce qu'elle était... Oui, intégration entre parenthèses non raciale. Pour préciser qu'il s'agit pas de parler d'intégration raciale ou de faire un propos politique, mais de parler de s'intégrer dans un univers. Et comment on s'intègre dans un univers? En gros, cette musique-là, c'est de la post-musique concrète, pour pré-indus ou post-concrète, si vous voulez. C'est complètement l'empreinte de Basile Kirchin. Toute son œuvre sera de cette teneur-là. Là, c'est une masse d'échantillons qui se tordent tout au long du morceau, donc des échantillons de tout ce que je vous ai dit, des enregistrements, une cacophonie de drones, de bruits de la faune manipulés, une espèce de brouhaha avec des oiseaux aussi dedans, les fameux enfants, tous ces sons-là, il en fait une espèce de masse sonore. Et il le fait écouter, enfin il le joue en direct en studio à deux musiciens, leur demandant d'improviser là-dessus. Et deux musiciens, c'est pas n'importe qui, c'est au saxophone, c'est Evan Parker et c'est Derek Bailey à la guitare. Et les deux sont là, se prennent le son de Basile Kirchin complètement trifouillé dans la face et improvisent là-dessus. Et ça donne une piste qui est assez incroyable, hein, la première piste de cet album-là. Je n'arriverai pas à comparer ça à quelque chose d'autre que justement, là pour le coup, à ce que je connais de Nurse With Wound ou de Coil. Et c'est vraiment extraordinaire. Après, je pourrais vous parler plus vaguement de la piste 2 ou de l'album suivant qui portera le même nom et qui aura donc Worlds Within Worlds, partie 3, partie 4. Donc partie 1 et 2, c'est dans le premier album, 3 et 4 dans le deuxième. Donc on s'écoute la partie 1, le titre dont je vous parle, avec Derek Bailey et Evan Parker, qui se prennent le son de Basil Kirchin, qui improvise là-dessus, d'autant plus que le petit Basil, qui est quand même pas le dernier pour rigoler, pour trifouiller, dès qu'il y a moyen, bah, il reprend tous ces enregistrements-là, et il le retrifouille un petit peu, et ça nous donne un truc assez sensationnel, qui dure une vingtaine de minutes. Régalez-vous bien, donc ça fait 3 heures d'émission, ça... Et ben vous avez bien fait de tenir jusque-là parce que vous allez entendre une petite perle à minuit sur Radio Radio, à 1h30 sur Bram FM. Allez, donc intégration non raciale, Basil Kirchin, World Within World. On est en 71.

Ah, et comme le veut la grande tradition, enfin c'est pas une tradition, mais ça se termine par un fade-out, et Dieu sait que j'aime les morceaux qui se terminent par des fade-out. On vient d'écouter donc Basil Kirchin, c'était donc la partie 1 qui s'appelle Intégration non-raciale de son Worlds Within Worlds, les mondes dans les mondes. À la fin on a entendu cet oiseau qui était un peu ralenti pour voir un petit peu les mondes parallèles, et l'autre oiseau ralenti qui se cachait derrière cet oiseau-là. Voilà, telle est la démarche artistique de Basil Kirchin, qui s'entend particulièrement sur ce titre. La partie 2 de Worlds Within Worlds, là pour le coup on a un quintet de jazz, quelques petits bidouillages de Basil Kirchin mais qui s'entendent beaucoup moins, ce morceau là est beaucoup plus original j'ai trouvé, et ensuite 3 ans après il y aura Worlds Within Worlds part 3 et 4 où là c'est encore plus poussé, on reconnaît carrément pas les sons d'origine, c'est vraiment du trifouillage, du ralentissage, de l'accélérage, voilà, pas inintéressant non plus, mais c'est vrai que c'est cette piste là qui m'aura le plus marqué dans l'œuvre Près 1978 de Basil Kirchin. Pourquoi on en parle? Parce que c'est la Nurse with Wound List, Basil Kirchin, comme la lettre K. C'est, nous sommes au pied de la lettre K. Nous la gravissons, voire nous la finissons en fait, c'est ça. On finit la lettre K aujourd'hui, et notamment avec King Crimson, le fil rouge assuré par le camarade Alec, ici présent. Et voilà, et on va finir aussi par le dernier morceau de cette petite rétrospective King Crimson. Ce dernier morceau, ça va être 21st Century Scarred Man, qui est le morceau qui ouvrait le premier album, le morceau qui a fait l'impression d'un rouleau compresseur à l'époque dans les oreilles des auditeurs, le morceau où la dextérité est de mise et qui a vraiment marqué tout le monde musical de très forte manière à ce moment-là. Donc, morceau qui a toujours été joué en public, hein, quelle que soit la formation. Là, c'est donc le premier morceau de King Crimson joué au dernier concert de la tournée 74. Concert qui est intéressant aussi dans la mesure que Robert Fripp, peu de jours après, va décider de s'aborder King Crimson. Pour une fois, c'est lui. D'habitude, tout le monde le quitte. Mais là, c'est lui qui a décidé ça. Un espèce de ras-le-bol, d'usure, de fatigue. Il a décidé de se recentrer sur lui-même, de retourner à l'école, de ne plus faire de musique. Et ça va durer pendant pas mal de mois, quelque chose comme un an et demi, si mes souvenirs sont bons. Donc, il les laisse en plan. David Cross, de toute façon, avait été remercié peu de temps avant. Même s'il était encore sur scène, il savait qu'il quittait le groupe. John Wetton trouvant qu'il ne pouvait pas jouer de basse suffisamment fort avec un violon à côté de lui. C'est assez incroyable. Mais par contre, les autres musiciens, Bill Bruford et John Wetton, qui comptaient bien continuer, vont se retrouver sur le plan. Ils vont juste se retrouver pour enregistrer Red, le dernier album studio durant l'été. Et par contre, Fripp a décidé de complètement arrêter toute l'aventure. Voilà, qui reprendra 7 ans plus tard, en 1981. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on racontera peut-être un jour, on n'en sait rien. Mais bon. Voilà, donc pour finir, 21st Century Scarred Man, joué par la formation en 1974. J'aime beaucoup cette version. C'est pour moi la meilleure de tous les enregistrements live que j'ai écoutés, c'est la meilleure et de loin, parce que quelque part Fripp savait au fond de lui-même que c'était la dernière fois qu'il le jouait. Il va le rejouer 22 ans plus tard au Krakatoa à Mérignac, j'étais là, et ouais, rien que de dire ça j'ai quelques frissons encore. Oh! Thank you. Waouh. Impressionnant. Hein. Ouais, c'est trop bien d'entendre cette version-là, la voix de John Wetton sur ce morceau. Waouh, c'est trop. Ouais, bien. Et puis toute la partie solo de Fripp. Je crois que c'est la seule fois où il a fait un solo de fuzz comme ça sur ce morceau de cette façon-là, quoi. Voilà, c'est la fin, quoi. Ouais, c'est monumental. Je voulais te demander une petite question comme ça en passant, parce que souvent dans les salons musicaux où je traîne, non, sérieux, souvent dans les coins lounge des squats où je vais voir des concerts, il m'est arrivé à Vinet de dire oui, mais c'est King Crimson qui a inventé le matrock, ce genre de plan là, l'unisson, tout ça, c'est eux qui ont inventé le matrock. Est-ce que je disais une énorme connerie ou est-ce que ce genre de plan, tu l'as déjà entendu avant King Crimson, avant Court of Crimson King? Non, honnêtement, la relation Crimson avec le matrock, c'est la première fois quand j'entends ça. Après, c'est pas idiot, hein, parce que ces breaks à l'unisson de folie là. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, ça n'apparaît nulle part avant et ça apparaît très peu de fois après. Mahavishnu. Mahavishnu Orchestra a fait des trucs dans ce genre-là dans les années 72-73. Mais après, il faut attendre effectivement les groupes de matrock pour entendre ce genre de truc. Mais Crimson, en réalité, l'a fait avec 21st, l'a fait avec deux, trois autres trucs, mais peu, hein. Peu quand même. Hein. Mais bon, c'est peut-être à creuser, ouais, effectivement. Tu me prends pas surprise, là. Mais c'est bien. Et j'ai une deuxième question aussi, j'ai jamais trop compris, mais je crois que eux non plus, mais toi peut-être que tu as une réponse là-dessus. Pourquoi ce groupe a été. Pourquoi King Crimson considère que c'est un des premiers groupes de rock progressif? Parce que pour moi, c'est pas du rock progressif, à part peut-être la suite Lizard, des choses comme ça un peu épiques. Pour Fripp non plus, hein, c'est pas du rock progressif. Donc pourquoi Mellotron, principalement. Parce que dans l'histoire, le premier groupe qui a été nommé groupe de rock progressif, et je crois que c'était carrément dans leurs affiches, c'était les Moody Blues. Voilà, c'est ça. Qui avait du Mellotron aussi d'ailleurs. Oui, si tout à fait. Voilà, avec. J'ai plus le nom du disque en tête là, mais le disque très connu là, des Moody Blues. Effectivement. Days of Future Past. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais autrement, Crimson fait partie parce que il y a pas mal de musiciens de la musique progressive qui ont traîné avec Crimson, quoi, d'une manière ou d'une autre, quoi. Ian McDonald, bon, voilà. Et puis alors John Wetton, évidemment, Bill Bruford. Bon, donc c'est plus toute la première partie est quand même beaucoup plus orientée sur le jazz et la musique improvisée et un petit peu avant-garde. Toute la deuxième partie, c'est quand même du rock qui devient de plus en plus puissant. On le voit avec cette version de 21st en 1974. Bon, c'est quand même très très fort. Et voilà, on n'est pas loin. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, pas loin de Uriah Heep ou des choses comme ça qui jouaient très fort, quoi. Donc, c'est pas si progressif que ça. Mais après. Après, il y a des affinités avec Yes au niveau de la virtuosité. Il y a des affinités avec Genesis au niveau du concept poético-médiéval qu'avait Peter Sinfield. Je pense que c'est un petit peu un tout et puis on les a classés en progressif. Mais Fripp a toujours nié être un groupe de musique progressive. D'un côté, c'était dur de les classer quelque part, donc il a bien fallu trouver une étiquette. Ah ouais. Comme quoi, il n'y a pas qu'en France qu'on met des étiquettes, c'est comme ça. Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette 25e édition de l'exploration radiophonique de la Nordwestwoodlist. Et là, pour la petite anecdote, je pensais qu'on avait fait l'émission la plus longue la semaine dernière. Ben, on l'a dépassée. Là, on en est à 3h38 d'émission. Aïe. L'émission la plus longue de l'histoire de Vraiment Autre Chose, c'était 3h46. Peut-être qu'on va la rattraper avec le récap, l'interminable récap de fin d'émission pour une émission elle-même interminable, générique. Bonjour les petits enfants! Et pourquoi qu'ils font là les petits enfants? Oh ben là! Là j'ai une réponse, hein. Là pour le coup, il est quoi là? C'est compliqué de faire des maths. On est à 3h38, il est minuit 38 sur Radio. Il est donc 2h08 sur Bram FM si vous nous écoutez de chez nos camarades de la Corrèze. Et vous venez d'écouter donc vraiment autre chose, 199e édition. Et c'était donc toujours le hors-série tentative d'exploration de la Nurse With Wound List au pied de la lettre. On vient de finir la lettre K en très bonne compagnie avec l'ami Alec. Ici présent, qui était là pour nos débuts radiophoniques avec Stéphane, et qu'on vraiment, putain, c'est trop bien que tu sois là. Merci beaucoup. Ravi également. Et ben, c'est parti pour le récapitulatif de fin d'émission, et je crois que c'est toi qui avais commencé. Oui, tout à fait. On a commencé avec I Talk to the Wind, chanson de Giles Jazenfripp en 1968, qu'on peut retrouver sur un disque qui s'appelle The Boundary's Tape. Voilà, et ensuite on avait enchaîné avec la suite Mantra, Travel Weary Capricorn, et une improvisation de décembre 1969, un live donc de King Crimson, qu'on peut retrouver sur la box 1969 complète, le complète 1969 record de King Crimson. Voilà. Ensuite, c'est l'ami Stéphane qui nous a présenté Comintern, le groupe Comintern. On était en 76 ou 18, si je ne dis pas de bêtises. Et on a écouté deux titres donc tirés de l'album Le Bal du Rat Mort. Et on ne s'est pas fait chier comme des rats morts, pour le coup. C'était quand même très, très bien. Le premier titre s'appelait Hommage au maire de Tours. C'était un hommage à Jean Royer, enfin, un hommage assez irrévérencieux. Et le titre suivant, c'était Fou Roi Pantin. On avait suivi avec un extrait de l'album de McDonald's and Jice, sorti en 1970, sous le même nom. Le titre s'appelait Fight of the Ibis. Et par la suite, un morceau du second album de King Crimson, In the Wake of Poseidon, qui s'appelait Cat Food, avec un Katy Putt prodigieux. Ouais, c'est moins ce qu'on puisse dire. Par la suite, moi, je vous ai présenté le collectif avec un K, le collectif Rotterube, le collectif de la betterave rouge, qui signait donc en 78 un album nommé Paranoia. Ils étaient accompagnés pour ça par un vrai groupe de musique. Le collectif Rotterube était un collectif de théâtre. Le groupe de musique s'appelle Tonstein Scherben. Donc l'album est signé Collectif Rotterube et Tonstein Scherben. L'album s'appelle Paranoia. On a écouté le titre Entrée qui ouvre l'album, puis le titre Paranoia et enfin le titre Typhoon's Traum. Ensuite, ce fut le final du troisième album de King Crimson, Lizard, sorti en 1970. Final qui s'appelle Prince Rupert Lament. Avec une version alternative qui n'était pas sortie sur le disque d'origine. Et par la suite, on a dû reprendre The Sailor's Tales en version studio, cette fois-ci de l'album Island, 1971. Et après, je pense que c'est toi, c'est pas moi. Ouais, c'est moi qui vous ai présenté Frank Colgus, le batteur Frank Colgus. On a écouté deux extraits donc, de son unique album solo. L'album s'appelle Drums, Voices and Knispelni. Et on a écouté le titre Eormar Part 2, qui fait partie de la suite Eormar, en quatre parties, particulièrement recommandable, soit dit en passant. Ensuite, on est rentré dans la période Wayton, Bruford, Cross et Fripp, avec le premier album Last Song in a Speak, et extrait de cet album, une version live à Glasgow de 73 de Exile, avec une improvisation juste avant qui s'appelait Tight Scrummy. Par la suite, je vous ai parlé de Basil Kirchin, sa passion pour l'Inde, sa tentative de découverte des mondes parallèles via le ralentissement des bandes enregistrées par son magnétophone. Voilà, on a écouté donc titre tiré de l'album Worlds Within a World. On a écouté Intégration non raciale, je précise, parce que c'est précisé dans le titre, où il était accompagné par Evan Parker et Derek Bailey. On a continué avec un inédit de King Crimson qui aurait pu paraître sur l'album Starless and Babel Black, mais faute de place, il est resté un petit peu dans les oubliettes pendant de longues années. Morceau enregistré à Brescia en Italie en 1974 qui s'appelle Dr. Diamond. Ensuite, ce fut Starless, joué toujours en 1974, deux mois après, au mois de juin, à Ashbury Park. Ces morceaux sont extraits des coffrets Last Song in a Speak, des grosses boîtes. Last Song in a Speak, Starless and Babel Black et Red. Ok, et j'ai dû me planter quelque part parce oui. qu'il t'en reste un, c'est pas grave, voilà. Vas-y. Et donc on a fini avec 21st Century Cajun Man, joué le 1er juillet 1974, dernier concert de la première grosse période de King Crimson. Et ben voilà, et ben merci, merci encore Alec de ta présence pour cette exploration radiophonique et puis d'avoir pris le temps comme ça de sélectionner un peu tout ce qui pouvait être intéressant à écouter en alternative take, morceaux inédits comme tu l'as dit et titres en live. Et on s'est vraiment vraiment régalé, c'était vraiment une joie. Du coup, si tu as envie de reparticiper à cette exploration radiophonique, toi aussi venir découvrir des groupes sous prétexte qu'ils commencent par la lettre dont on parle, ben, n'hésite pas à te joindre à l'équipe ponctuellement quand tu le sentiras. Eh ben, c'est bien gentil, merci, je note l'invitation. Ça a été un plaisir également. Eh ben, merci à tous et à toutes de rester aussi longtemps à l'antenne. Là, pour le coup, on bat tous nos records. Et que dire de plus ? On se retrouve, si tout va bien, jeudi prochain, le 19 janvier, pour attaquer la lettre L en compagnie de mon camarade Nico. Et je ne sais quel compagnon ou compagnonne se joindront à nous. Ce sera la 200e. Et ce sera la 200e. Il y a un gâteau ? Exactement. Et on pourrait prévoir quelque chose. Tu sais qu'on n'a jamais fait la 100e. Alors ? Ouais, parce qu'on se disait qu'il fallait faire un truc spécial pour marquer le coup et qu'on n'a jamais trouvé quoi. C'est un petit peu comme Franquin, tu vois, les Gaston Lagaffe, il avait jamais fait le 5. Pendant très longtemps, il n'y avait pas d'album 5. Ouais, et puis par la suite, après sa mort, on a publié un album 5 avec des planches inédites et des pubs. C'était très mauvais goût. Faut arrêter de jouer avec Franquin, là, décidément. Laissez-le tranquille, le pauvre monsieur. Laissez son œuvre tranquille, s'il vous plaît. Arrêtez de ressortir la série, arrêtez, respectez son truc. Et nous, en tout cas, on nous a respectés. Il n'y a toujours pas eu d'émission 100, on la fera un jour. L'émission 200, ouais, peut-être un gâteau, pourquoi pas. Et pour fêter le fait que là, actuellement, mon cher ami, nous avons battu le record de l'émission la plus longue de l'histoire de Vraiment Autre Chose, plus voilà. longue que la Nuit du Rock in Opposition. Vraiment très honoré d'avoir fait partie de ce coup-là. Bah ouais, la Nuit du Rock in Opposition, je me souviens, tu l'avais commenté en direct sur Progressia pendant qu'on la faisait. Absolument. Tu nous avais même repris sur une ou deux petites erreurs. Désolé. Je me souviens, non, Oi Reckon, que j'avais confondu avec je sais plus qui. Ouais, c'est... Mais ça m'a marqué, mais non, bah, ça nous fait progresser, nous, quand on nous dit qu'on fait des erreurs. En tout cas, merci à toutes, merci à tous. On rend l'antenne, les programmes de Radio, c'est toujours aussi bien. On se retrouve jeudi prochain. À bientôt. Merci à toutes, merci à tous. Gros bisous. Bye bye. Au revoir.